السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ برور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله بياكم pour ce 14e cours, pour ce 14e cours des règles du mariage, des règles du mariage. Naam. On va juste réviser un peu avant de commencer, inshallah ta'ala. Je n'oublierai pas de dire que nous sommes le 4 Muharram 1429, c'est-à-dire le 12 janvier 2008, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donnez-moi une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde, inshallah. Alaykoum salam. Je disais que on va juste réviser un peu, inshallah ta'ala, et continuer, bi'idhna azza wa jal. Abu Marwan, si tu es là, tu écris numéro 1. Tayyib, n'oublie pas, inshallah ta'ala, toutes les 3 minutes d'écrire numéro 1. Tayyib, on s'était arrêté de quand on avait dit que le muslim n'a pas le droit de se marier avec une esclave. N'a pas le droit de se marier avec une esclave, sauf s'il y a une obligation. C'est quoi par exemple? Attendez, j'ajoute le micro. C'est par exemple, il n'a pas l'argent de la dot, et il faut que elle soit une esclave musulmane. Kafira, il peut pas. Il peut pas se marier avec une esclave kafira. Et il faut que il n'ait pas l'argent de la dot, et il faut que il ait peur de la zina. S'il n'a pas peur de la zina, non, il n'est pas obligé et il ne peut pas se marier avec une esclave. Il faut qu'il ait peur de la zina. Et il faut aussi qu'il n'ait pas assez d'argent pour acheter une esclave. Car s'il peut l'acheter, il ne se marie pas avec elle. Quant au dars d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est bab shuruti wal uyubi fi nikah. Bab shuruti wal uyubi fi nikah. Chapitre, les conditions et les défauts dans le mariage. Ici, il a dit جمع المؤلف بين الشروط والعيوب لأن العيب فقد شرط إذ إن العقد المطلق مقتضاه السلامة من عيوب فكأن العاقد شرط بمطلق عقده خلو المعقود عليه من العيوب فلهذا جمع بينهما. شيخ بن عثيمين الله يرحمه دي كو لوتور أجوان dans ce chapitre, entre les conditions et les défauts, non, c'est pas les dépôts, les défauts, non, et les défauts du mariage, les défauts dans le mariage, non, il a joint entre les deux. Pourquoi? Il a dit parce qu'en fait, quand il y a un défaut, c'est quoi? C'est que non, quand il y a un défaut, c'est que la condition n'a pas été remplie. S'il y a un défaut, c'est que il manque l'une des conditions. C'est pour ça que il a joint ici entre les deux. Bi'idhnillahi azza wa jal. طيب. سبق لنا شروط النكاح فنحتاج الى معرفه الفرق بينه وبين الشروط في النكاح. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Naam, attendez une seconde. Je dis à Coran et Sunna, ce n'est pas les dépôts. Pour corriger les défauts. Les défauts, Naam. C'est-à-dire quand on trouve un défaut dans la mariée, ou bien la mariée trouve un défaut dans l'homme, Naam. Ou bien le contraire. Ou bien, yani, on trouve un défaut dans l'acte lui-même, le contrat de mariage. Naam. Tayyib. Naam. Il a dit, سَبَقَ لَنَا شُرُوطُ النِّكَحِ. Il a dit, Cheikh Lahmou Ibn Uthaymin a dit, auparavant, on a parlé de quoi? On a parlé des conditions. Des conditions du mariage, du contrat de mariage. شُرُوطُ النِّكَحِ. Maintenant, il a dit, on va parler de quoi? شُرُوطُ فِي النِّكَحِ. Naam. Il y a une différence entre shorot, shorot nikah et shorot fin nikah. Il a dit, Cheikh Lahmou a dit, il y a une différence entre les conditions du mariage et les conditions dans le mariage. Il y a une différence entre les conditions du mariage et les conditions dans le mariage. Et on peut montrer la différence en 3 ou 4 points. Dans 3 ou 4 points, on va montrer quelle est la différence entre la condition du mariage et la condition dans le mariage. Premièrement, أن شروط النكاح من وضع الشارع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وجعلها شروطا. وما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد هو الذي شرطها. L'une des choses qui montre la différence, l'une des choses qui montre la différence entre la condition du mariage et la condition dans le mariage. C'est quoi? Premièrement, la condition du mariage, c'est Allah Ta'ala qui l'a mise. C'est Allah Ta'ala qui a mis la condition dans le mariage, du mariage. Quant à la condition dans le mariage, ce n'est pas Allah qui l'a mise. Mais c'est qui? C'est celui qui va faire le contrat du mariage qui va la mettre. Soit le prétendant, soit la prétendante. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, شروط النكاح يتوقف عليها أما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته. Deuxièmement, la condition du mariage, Naam, si elle n'existe pas, si on ne vient pas avec la condition du mariage, le mariage est nul. Quant à la condition dans le mariage, Naam, mais le prétendant ou le prétendante ou la prétendante peut l'annuler. Peut l'annuler. Naam. Troisièmement, quelle est la différence entre la condition du mariage et la condition dans le mariage? Naam. Troisièmement, un shurut nikah la yumkin iskhatuha, ou shurut fi nikah yumkin iskhatuha. Troisièmement, la condition du mariage, on ne peut pas Naam, s'en passer. Mais la condition dans le mariage, on peut s'en passer. Je donne un exemple. Quand je parle comme ça, sûrement que peut-être vous ne comprenez pas. Je suis obligé alors de donner des exemples. C'est mieux pour mieux expliquer. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Naam. Une seconde, Inch'Allah. Naam. Laissez-moi terminer, je réexplique. Et quatrièmement, les conditions du mariage ne se divisent pas en conditions yani valables et non valables, mais la condition dans le mariage se divise en valables et non valables. Je reviens un peu en haut à la première condition. Abu Marwan a dit, les conditions du mariage, c'est Allah qui les met. Et les conditions dans le mariage, ce sont les époux qui les mettent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les conditions du mariage, c'est Allah qui les met. Exemple. Personne ne peut se marier avec sa tante. Personne ne peut se marier avec sa sœur. Personne ne peut se marier avec une femme et sa tante. Personne ne peut se marier en même temps avec une femme et sa sœur. Ça c'est quoi? Ça c'est la condition du mariage. C'est Allah Ta'ala qui a mis ces conditions. Voilà la condition du mariage. Quant à la condition dans le mariage, ce sont les époux et les épouses qui les mettent. Par exemple, moi je vais me marier, je mets comme condition par exemple, qu'on habite chez mes parents. Naam. La sœur qui va se marier met comme condition, par exemple, qu'elle n'habite pas chez les parents du prétendant. Elle fait comme condition, par exemple, elle ne sort pas de son pays. Elle fait comme condition, il faut qu'il fasse la hijra. Donc, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la condition dans le mariage, pas du mariage. Car la condition du mariage, c'est Allah qui la met. Et la condition dans le mariage, c'est les époux qui la mettent. Tayyib, Abu Marwan et les trois autres qui n'ont pas le rouge, les quatre qui n'avaient pas le rouge, vous représentez les autres, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous avez compris ce premier point? Si vous avez compris, tous ceux qui sont dans la salle ont compris. J'attends, Inch'Allah. Alhamdoulilah, j'attends les autres. Abu Marwan a compris. Et les autres, est-ce que vous avez compris la différence entre dans le mariage et du mariage? Je répète, du mariage, c'est Allah Ta'ala qui met la condition. Et dans le mariage, c'est les époux qui mettent la condition. Naam. Allah Ta'ala, par exemple, nous a interdit qu'on se marie avec une femme et sa sœur. Ça, c'est la condition du mariage. Quant à la condition dans le mariage, c'est les conditions que font le prétendant et la prétendante. Taïb. C'est pour ça qu'il a dit deuxièmement, c'est pour ça que la condition du mariage, si elle n'existe pas, il n'y a pas de mariage. Tandis que l'autre condition, le mariage existe, mais on peut annuler, c'est tout. Je donne un exemple. La femme a fait comme condition dans le mariage, que par exemple, il ne la fasse pas sortir d'Algérie. Se marier avec lui en Algérie, elle met comme condition que je ne vis qu'en Algérie. C'est une condition dans le mariage, pas du mariage. Maintenant, il a décidé, il a dit, après 10 ans, il a dit, on va habiter au Soudan. Naam. Elle lui dit, on avait mis comme condition qu'on vivait en Algérie. Il dit, mais j'ai changé d'avis, je vais aller au Soudan. Maintenant, c'est elle de choisir. Ou bien se rétracte et se désiste de sa condition et elle va au Soudan. Ou bien alors, lui, il va au Soudan et elle annule le mariage. Donc, vous voyez que quand c'est la condition du mariage, on ne peut pas l'annuler. Elle vient d'Allah. Quand c'est la condition dans le mariage, on peut l'annuler. La sœur ici peut annuler sa condition de ne pas quitter l'Algérie et la quitte pour le Soudan. Elle peut annuler la condition dans le mariage. Mais on ne peut pas annuler une condition du mariage. Taïb. Et il a dit que... Taïb. Ensuite, ça c'est premièrement, deuxièmement, troisièmement. C'est deuxièmement et troisièmement, c'est à peu près la même chose. Et quatrièmement, il a dit que la condition du mariage ne se divise pas. La condition du mariage ne se divise pas. A entre valable et non valable. Toutes les conditions du mariage que Allah Ta'ala met, elles sont valables. Mais les conditions dans le mariage, des fois elles sont valables, des fois elles ne sont pas valables. Imaginez qu'une femme mette comme condition de vivre en Algérie, de ne pas quitter l'Algérie. C'est une condition valable. Bien sûr, si l'époux accepte. Imaginez maintenant qu'elle mette comme condition qu'il divorce sa première femme. Naam, une femme dit à un homme, je me marie avec toi si tu divorces la première. Ici, la condition n'est pas valable. Donc, vous remarquez que la condition, quand elle est dans le mariage, elle n'est pas du mariage, des fois elle est valable, des fois elle n'est pas valable. Naam. Attendez, je lis ce que écrit Abu Marwan pour être sûr que c'est pas trompé. Quand le mariage mis par Allah ne change jamais, c'est obligatoire du mariage. Les conditions dans le mariage, ce sont les épouses qui les mettent. Non, les conditions dans le mariage sont deux formes, valables et non valables. Non. Quant aux conditions du mariage, elles sont toujours valables. Oui. Wa'lam. Écoutez maintenant le nouveau. Wa'lam. Anna shuruta fi nikah yu'tabaru an takuna muqarinatan lil 'aqdi aw sabiqatan 'alayhi la lahiqatan bihi. فمحلها إما في صلب العقد أو قبله لا بعده. Il a dit, et sachez que les conditions dans le mariage, c'est-à-dire que maintenant on va parler des conditions, ce n'est pas du mariage. Les conditions du mariage, c'était les deux chapitres qu'on a étudiés les fois passées. Aujourd'hui on va parler des conditions que mettent les époux, c'est-à-dire les conditions dans le mariage. Il a dit, et sachez que les conditions dans le mariage, naam, pour qu'elles soient valables, il faudrait que ces conditions soient ou bien en même temps lorsqu'on fait le contrat de mariage, ou bien elles sont avant le contrat de mariage, mais ne peuvent pas être après le contrat de mariage. Je répète, l'une des conditions de la validité pour que ça soit valable, l'une des conditions de la validité de la condition dans le mariage que fait l'époux ou l'épouse, il faudrait que ça soit ou bien avant le contrat de mariage ou bien pendant le contrat de mariage et jamais après le contrat de mariage. Jamais après le contrat de mariage. On va donner un exemple où il y a une condition dans le mariage qui est pendant le contrat de mariage. S'il dit par exemple, زوجتك ابنتي هذه على ان لا تتزوج عليها. Non, ils doivent être avant ou pendant le contrat, mais jamais. Non. Par exemple, quelqu'un, le tuteur dit au prétendant, زوجتك ابنتي هذه على ان لا تتزوج عليها. Non. Je t'ai marié ma fille, celle-là, à condition que tu ne te maries pas sur elle. C'est-à-dire que tu n'ajoutes pas une autre. Vous entendez ça? Non. Tayyib, j'ai dit que maintenant le père, le tuteur de la fille, a dit au prétendant, je te marie. Naam, ma fille, à condition que tu n'épouses pas une deuxième. Ici, cette condition dans le mariage a été faite pendant le contrat. C'est un exemple d'une condition pendant le contrat. Naam. Ou bien, زوجتك ابنتي هذه على أن تدفع لها 500 ريال مهرا. Ou bien, je te marie avec ma fille, celle-là, à condition que tu lui donnes 5000 riels en dot, 5000 riels. Ça, c'est quoi? C'est la condition dans le mariage pendant le contrat. Maintenant, on va donner un exemple d'une condition dans le mariage avant le contrat. كأن يتفق هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليها. فهذا الشرط مع كونه سابقا للعقد لكنهم اتفق عليه فيعتبر لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من شروط. Maintenant, le deuxième cas, par exemple, le jour où il vient la voir. Ce n'est pas le jour où ils vont faire le contrat de mariage, non. Le jour de la muqabala. Il a montré que apparemment elle lui a plu. Alors le père lui dit, Naam, lui dit, je te marie avec ma fille, tu te maries pas avec une autre. Regardez, je te marie avec ma fille, à condition que tu ne te maries pas avec une autre. Et l'autre, le prétendant, qui a entendu cette phrase, n'a rien dit, n'a pas dit non, moi je me marie. Naam, il s'est tu, ou bien il a ri, ou bien il a hoché la tête, Mouhim. Maintenant, quand on va faire le contrat de mariage, même si on va pas citer cette condition, elle doit être prise en considération. C'est-à-dire que, après que cet homme se marie avec cette femme, il n'a plus le droit de se marier avec une deuxième. Si il veut se marier et la femme lui dit « Pourquoi tu te maries ?» alors qu'on a fait ça comme condition, il va dire « Non, pendant le contrat, on n'a pas parlé de ça. » Elle lui dira « Mais mon père a parlé de ça avant le contrat. » Avant le contrat de mariage, il t'a dit et tu l'as entendu, tu n'as pas dit non. Donc la faute c'est de qui? C'est lui qui s'est trompé. Là, il s'est pas trompé, c'est ce qu'il fait, mais c'est elle qui a raison. Pourquoi? Parce que ici, son père a émis une condition dans le mariage avant le contrat. Et quand c'est avant le contrat ou pendant le contrat, les deux sont valables. Ce qui n'est pas valable, c'est après le contrat. Naam. واعلم ان الاصل في جامع ابو مروان اسك سي كومبري اكري مو نعم نكري با نيميرو 1 سي سي كومبري اكري نعم ابو مروان اي تو لا افيك نو ان شاء الله الحمد لله واعلم ان الاصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى يقوم الدليل على المنع والدليل على ذلك عموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود المائدة سورة المائدة فيرسي نمرو 1 le شيخ الله يرحمه a dit ici et sache que la base dans les conditions, bien sûr, dans le mariage et pas du mariage, sache que la base, c'est que toutes les conditions sont valables jusqu'à ce que on ait quelque chose qui empêche la validité. Naam. Cheikh Lahmoud dit, toute condition que met le prétendant ou que met la prétendante est acceptée et valable. Sauf quoi ? S'il y a un verset ou un hadith où il y a une, disons, ça s'oppose avec une base dans l'islam, dans ce cas seulement on dit cette condition n'est pas valable. Cette condition n'est pas valable. Comme si ça s'oppose par exemple avec le but du contrat. Si ça s'oppose avec le but du contrat de mariage, ce n'est pas valable. Quel est le délil que toutes les conditions sont valables, sauf exception? Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu, awfu bil'uqud » Al-Ma'ida, numéro 1, verset numéro 1, c'est-à-dire, « Remplissez, ô vous les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Ô vous les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا Sourate l'Isra, verset 34. Et remplissez l'engagement. Et remplissez l'engagement. Naam. Marwan, ça viendra. وَكَذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم lorsqu'il a dit المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les musulmans sont sur leurs conditions sauf si c'est une condition qui يعني أحل حراما qui rend quelque chose d'illicite, elle le rend licite. Ou bien, elle rend quelque chose d'illicite, elle la rend licite. Naam. Sauf la condition qui rend l'illicite, elle le rend licite. Ou bien, elle rend le licite illicite. Dans ce cas, cette condition n'est pas valable. Naam. Et c'est dans Hadith al-Bukhari mu'allaqan. Naam. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. Il dit chaque condition, نعم, qui n'est pas dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est une condition nulle, même si c'est sans condition. طيب, personne de vous, vous êtes quatre qui n'avez pas le point rouge. Personne de vous n'a écrit les deux versets que j'ai cités. معليش معليش. الحاصل أن الأصل في الشروط الحل والصحة. الحاصل أن الأصل في الشروط الحل والصحة. Il dit donc la base dans les conditions, c'est que la condition est toujours valable. Est toujours valable. سواء في النكاح أو في البيع أو في الإجارة أو في الرهن أو في الوقف. نعم, dans tous les domaines. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le commerce, la vente, que ce soit dans la location, que ce soit dans les dépôts, que ce soit dans le waqf, naam. Tout cela, quand on fait une condition, c'est inshallah ta'ala valable. Sauf s'il y a quoi? S'il y a quelque chose qui empêche, qu'il y a un délil qui dit que telle condition n'est pas acceptée. Telle condition n'est pas acceptée. Ô vous qui croyez, remplissez fidèlement vos engagements. Donc quand il y a un engagement, on doit le respecter, le remplir. Sauf si, comme j'ai dit, cet engagement va à l'encontre d'un verset, ou bien d'un hadith, ou bien yani, de quelque chose qui vient de l'islam. Il a dit, ce qui est étonnant, Cheikh Lahmoud dit, ce qui est étonnant, c'est que les fuqaha, les savants du madhhab hanbalite, yarawna anna al-wafa bi-shurut fi 'aqd an-nikah sunnah wa laysa bi-wajib. Ce qui est étonnant dans le madhhab hanbalite, spécialement hanbalite, c'est quoi? C'est que les savants du madhhab hanbalite disent que yani ce n'est pas obligatoire de remplir les conditions du mariage. Ils disent ce n'est pas obligatoire de remplir les conditions du mariage. C'est-à-dire que, d'après le madhhab hanbalite, si une femme aimait comme condition que, par exemple, elle doit vivre en Algérie, et l'homme se maria avec elle, avec cette condition, il peut après, naam, ne pas vivre avec elle en Algérie. C'est seulement sunnah. Ce n'est pas obligatoire qu'il respecte ces conditions. Ils ont dit comme ça, c'est seulement sunnah. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo, et bien sûr, vous savez que Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo, même si de nature, yani, il était hanbalite, naam, mais il était quoi? Il n'aimait jamais, il n'acceptait jamais quelque chose qui va à l'encontre d'un verset ou d'un hadith. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit ici, et ceci est très faible. Ceci est faible. Le fait de dire que respecter l'engagement et respecter la condition, ce n'est pas une obligation. C'est seulement sunnah. Il a dit ça, c'est faible. Il a dit ça, c'est faible. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi c'est faible? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, qui se trouve dans Bukhari et dans Muslim. Il a dit, inna ahaqqa shuruti an tuwaffu bihi ma istahlaltum bihi al-furuj. Il a dit, c'est un peu difficile à dire ça en français. Je vous donne à peu près, yani, rapproché. Inna ahaq shurut. Yani, parmi les conditions qu'on doit respecter le plus, c'est comme ça que veut dire Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Parmi les conditions, s'il y a des conditions. Alors, les conditions qu'on doit remplir plus et respecter plus, ce sont les conditions avec lesquelles vous vous êtes permis, subhanallah al-azim, de toucher à la femme, ce sont ces que vous me permettez d'avoir, voilà. Les conditions qui méritent le plus d'être respectées, ce sont celles qui vous ont permis d'avoir des rapports intimes avec vos femmes, subhanallah al-azim. Si quand tu vends quelque chose, tu mets une condition, alors l'acheteur et le vendeur doivent respecter cette condition. Qu'en est-il maintenant, subhanallah al-azim, de la condition qui va te permettre à toucher à une femme que tu connais pas, la toucher dans ses parties intimes. N'est-ce pas, cette condition est plus grave que de vendre un mouton et de faire une condition, que la condition, il faut que tu prennes le mouton ce soir. La condition, il faut que tu prennes le mouton dans une heure, sinon je le vends pas. Quelle est la condition la plus grave? C'est celle de, avec laquelle tu vas toucher la femme étrangère, tu vas la toucher. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah, et c'est très étonnant. C'est très étonnant que qu'on dise, on est obligé de respecter la condition dans la vente. Si on vend quelque chose de 5 dirhams, on vend quelque chose de 5 dirhams, et on n'est pas obligé de respecter la condition, pour une femme qui vend des fois, pour une femme sur laquelle ou là dans laquelle on va donner des fois 50 000 riels. Si je donne 5 riels pour vendre quelque chose ou acheter une chose, je dois respecter la condition, et maintenant je vais donner 5 000 euros ou je ne sais pas combien pour une femme, et il a le droit de ne pas respecter la condition. Il a dit, ça c'est vraiment contradictoire. Naam. Ensuite il a dit, وَشُّرُوتْ فِي النِّكَحْ تَنْقَسِمُوا إلى ثلاثة أقسام صحيحة وفاسدة غير مفسدة وإلى فاسدة مفسدة. Ensuite il a dit, et les conditions dans le mariage se divisent en trois sortes: valables, ensuite pas valables, mais غير مفسدة, je crois que c'est elle n'annule pas, ensuite yani pas valable et en même temps nul. طيب, on va commencer par shurut sahiha, les conditions valables dans le mariage. قوله اذا شرطت طلاق ضرتها. Premièrement il a dit اذا شرطت طلاق ضرتها. فإذا شرطت طلاق ضرتها فإن الشرط صحيح والعقد صحيح. شيخ ابن عثيمين رحمه دي que l'auteur a dit, si elle met comme condition qu'il doit divorcer sa femme, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà marié, il va se marier avec une nouvelle, la nouvelle lui met comme condition dans le mariage qu'il doit divorcer celle qu'il a. Il divorce d'abord celle qu'il a, divorce-la pour que j'accepte de me marier avec toi. Il a dit, je donne un exemple. Rajulun khataba min shakhsin ibnatahu faqala la ba'sa lakin bi sharti an tutalliqa zawjatak. Il a dit, un homme a demandé la fille de quelqu'un et ce quelqu'un lui a dit, d'accord, j'accepte de te donner ma fille, mais à condition que tu divorces ta femme, car tu es déjà marié. Je te donne ma fille, mais divorce ta femme. Il a dit, d'après le madhab ici, d'après les hanbalites, ils disent, cette condition est valable. Il a dit, pourquoi ils disent que c'est valable? Il dit, c'est une condition valable, car la femme qui a demandé, elle lui a dit divorce ta première femme, elle a quoi? Elle a un but valable. Ce n'est pas une folle, elle sait ce qu'elle fait. Il a dit, c'est quoi son but? Son but, c'est que son mari ne soit pas divisé. Elle veut que son mari ne soit pas associé. Elle veut pas qu'une autre femme s'associe à elle, à son mari. Elle le veut seulement pour elle. Cheikh Ibn Uthaymeen dit l'armo, وَهَذَا مَقْصُودٌ لِلنِّسَاءِ بِلَا شَكٍّ. Il a dit, et sûrement que les femmes ont ce but dans leur tête. وَكُلُّنْ يَعْرِفُ أَنَّ النِّسَى يُحْبِبْنَ أَنْ يَنْفَرِدْنَا أَنْ يَنْفَرِدَ الزَّوْجُ بِهِنَّا فَيَكُونُ هَذَا مَقْصُودٌ صَحِيحٌ. Il a dit, et ils ont dit, hein, il parle des Hanabila toujours, et ils ont dit que toutes les femmes, pardon, tout le monde sait que les femmes aiment que leur mari ne soit qu'à elles. Que leur mari ne soit qu'à elles. Donc il a dit, donc ils ont dit, voilà donc ce qu'elles pensent, c'est-à-dire leur but ici, est accepté. Attendez une seconde. Non. Elles ont un but yani valable. C'est quoi? C'est de ne pas être associé au mari. Ne pas être associé au mari. Ensuite, Ibn Uthaymin Rahmo répond à ce qu'ils ont dit. Il a dit, لكن هذا القول ضعيف. Mais cet avis est faible. Cet avis est faible. Quel est l'avis? L'avis qui dit que la femme a le droit de mettre comme condition à son mari qu'il divorce la première, sinon elle ne se marie pas avec lui. Il a dit, eux, dans le madhab, dans le rite hanbalite, ils ont dit, c'est accepté. Mais moi je dis que c'est faible, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont dit ici, c'est un avis qui va à l'encontre d'un hadith sahih. Ça va à l'encontre d'un hadith sahih. Et deuxièmement, l'athar, amen wa laysa bin athar. Il a dit, car tout avis, qui quoi? Qui va à l'encontre d'un hadith, il a dit ça, c'est de l'aveuglement. On l'appelle pas un avis. Il a dit ça, c'est de l'aveuglement. Par l'aladim. Il y a un hadith en face de moi, naam, je le contrarie, ensuite je dis j'ai un avis. Quel avis? Tu n'as pas d'avis. Tu as contrarié le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dis j'ai un avis, j'ai un bon avis. Il n'est pas accepté ton avis. C'est de l'aveuglement. Naam. Le fait que quelqu'un dise le contraire de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait? Écoutez ce qu'il a dit. La tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha li takfa'a ma fi sahfatiha. Hadithun sahih. Hadithun sahih. Qu'est-ce qu'il a dit? La femme ne demande pas, l'épouse ou bien la femme ne demande pas le divorce de sa sœur. Sa sœur, c'est-à-dire la première femme. Non. La femme, la nouvelle femme qui va se marier, ne demande pas, c'est-à-dire n'a pas le droit de demander le divorce de sa sœur pour qu'elle renverse ce qu'elle a dans son assiette. Pour qu'elle renverse ce qu'elle a dans son assiette. Naam. Hadith authentique. Premièrement, il a dit, la femme ne demande pas le divorce de sa sœur. Naam. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il a dit? Il a employé, que le messager, alayhi salatu wasalam, il a employé le mot sœur. Naam, il a employé le mot sœur. Pourquoi? Pourquoi elle emploie le mot sœur? Pour que elle sente un peu d'amour envers elle. En fait, la première femme, yani, qui tu veux qu'elle soit divorcée. Naam. N'oublie pas que c'est ta sœur en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ta sœur. Est-ce que toi, tu aimes faire du mal à ta sœur? Tu n'aimes pas faire du mal à ta sœur germaine. Ta sœur du même père et de la même mère. Tu n'aimes pas qu'on lui fasse du mal. C'est pour ça qu'il a employé ici le mot sœur. Naam. Et deuxièmement, il a dit, pour que tu renverses ce qu'il y a dans son assiette. C'est-à-dire que, maintenant que tu demandes le divorce et il va la divorcer, ça veut dire que tu vas renverser ce qu'il y avait dans son assiette. Car le premier mari, son premier époux, qu'est-ce qu'il faisait? Il dépensait pour elle, il la faisait manger. Hein? Il achetait des pommes de terre et des navets, etc. qu'elle mettait dans son assiette pour manger. Maintenant, toi, tu veux lui renverser l'assiette. Tu veux qu'il ne dépense plus pour elle. Car en la divorçant, il ne va plus dépenser pour elle. Donc toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui faire renverser l'assiette. Naam. Surtout, maintenant, si elle a des enfants, tu vas être la cause pour elle, la miskina, qu'elle vive maintenant sans mari avec des enfants. Et vous savez, quand quelqu'un divorce, il ne donne plus les dépenses. Sauf si elle est quoi? Sauf si elle est enceinte. Sauf si elle est enceinte. Naam. Maintenant, si elle veut qu'il dépense pour les enfants, il faut que ce soit lui qui prenne les enfants. Naam. Donc, toi, en demandant le divorce, tu vas faire des problèmes. Toi, mashallah, tu veux être seul avec lui. Avoir tout. Et tu t'en fous de ce qui va se passer avec la première. L'essentiel, c'est que j'ai pris l'homme. Je l'ai pris à moi. Alhamdulillah. Moi, ça m'intéresse pas ce qui va se passer avec l'autre. Même si elle meurt de faim, ou elle est jetée dans la rue, ou elle va vivre sous une tente, ou elle va vivre sous le pont. Tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je sois seul avec lui et qu'il m'achète des bagues et des chaînes d'or. Des bagues, des chaînes d'or, et on va chaque soir au restaurant. Voilà ce qui m'intéresse. Ce qui se passe avec la première, qu'elle meure, qu'elle aille vivre dans ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça, l'hôpital ou comment ça s'appelle, un centre, tout ça, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est l'islam qui t'a dit ça? C'est Allah Ta'ala qui t'a dit ça? Ou là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a dit ça? Et est-ce que toi, si tu as été la première femme et que ton mari voulait te marier, se marier avec une deuxième, est-ce que tu accepterais que la deuxième lui dise divorce la première? Est-ce que tu acceptes? Tu n'acceptes pas. Naam, tu n'acceptes pas. Tu dis ça ne fait rien, je patiente. Au moins j'ai un mari, au moins j'ai quelqu'un qui dépense, au moins il me laisse la maison, au moins je vis avec lui, au moins, et comme ça. Naam. Donc, personne n'est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui. Naam, c'est comme ça le vrai musulman qui doit réfléchir et qui doit se comporter. Il dit, comme j'aime pas le mal à moi, je l'aime pas à ma sœur. Donc il a dit, cette condition n'est pas vraie. Naam, et n'est pas acceptée en islam. N'est pas acceptée. Car si on l'accepte, on va à l'encontre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de son hadith. Son hadith a dit, elle n'a pas le droit de lui demander qu'il divorce. Naam. Et il a dit, s'ils disent que, mais nous, on a un but, yani, c'est quoi le but? Le but, c'est que, yani, le but, c'est que, pour que, yani, il n'y ait pas de jalousie, pour qu'il ne soit pas associé, etc. On lui dit, tout ça n'a pas d'importance comparé au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est là, mais qui a dit qu'elle n'a pas le droit de demander le divorce. Donc qu'est-ce que tu dis? Tu dis sami'na wa ata'na. J'ai entendu et j'applique. Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Oh vous les croyants, ne levez pas votre voix sur la voix du prophète. Naam. Lui, quand il dit c'est rouge, tu dis c'est rouge. Il dit c'est noir, tu dis c'est noir. Il dit c'est blanc, tu dis c'est blanc. Il dit c'est interdit de demander le divorce, tu dis c'est interdit de demander le divorce. Naam, je ne commence pas à philosopher et à essayer de trouver des excuses, vu ceci, vu cela, vu ceci. Il n'y a rien. Il y a le prophète a dit, Allah a dit, c'est tout. Naam, le prophète a dit, Allah a dit. Tu dis, sami'na wa ata'na. J'ai entendu et je vais appliquer. C'est ça, c'est comme ça le vrai musulman, inchallah. Ensuite, il a dit, ou, an la yatasarra ou la yatazouwaja alayha. Ou bien, si on mettait comme condition que, il ne se marie pas sur elle. Il ne se marie pas, c'est-à-dire avec une deuxième. C'est-à-dire, maintenant, la femme va lui mettre comme condition qu'il ne se marie pas une deuxième. Qu'il ne se marie pas une deuxième. Ou la yatasarra alayha. Et la différence entre se marier et yatasarra, je ne sais pas comment on dit yatasarra, je vous ai dit plusieurs fois qu'en islam, si quelqu'un a une esclave, naam, a une esclave, il peut, en l'achetant par exemple cette esclave, ou bien en l'ayant comme butin dans la guerre, naam, il peut faire des rapports avec elle. Mais seulement avec elle, et elle seulement avec lui, pas avec un autre homme. Avec un acte qui s'appelle Mulkul Yamin. Car en islam, on n'a pas le droit, sauf avec quatre conditions que j'ai citées plusieurs fois. Car si on se marie avec une esclave, on aura des enfants qui vont être des esclaves. Alors il vaut mieux ne pas se marier et faire l'acte de Mulkul Yamin, comme ça les enfants seront libres et ne seront pas des esclaves. Maintenant, un homme veut se marier et cette femme lui fait quoi? Lui fait comme condition qu'il n'ait pas de rapport avec l'esclave ni se marie une deuxième femme. Mais ce qui m'a étonné en fait, c'est que hier, j'ai reçu un email, naam, où c'est dit hier ou là aujourd'hui. Ça m'a vraiment étonné, Allah. Une personne m'a dit, d'ailleurs ça m'a tellement étonné que je voulais vous poser des questions. Je dis, est-ce que seulement cette personne a compris comme ça, ou bien maintenant tout le monde dans le salon a compris comme ça, donc il faudrait yani, s'arrêter un peu et voir ce qui se passe, pour voir si tout le monde a compris comme ça, il faut alors corriger. Naam. Justement, je demande à ceux qui n'ont pas le point rouge, de me dire, est-ce que eux aussi, qui ont l'habitude d'assister avec moi, s'ils ont compris cette chose. Cette personne a dit dans l'email, Yachir, une personne qui a deux esclaves, non, il n'a pas dit le mot esclave, il a dit deux femmes de ménage à la maison, deux ou trois qui font le ménage et nettoient et essuient, etc. Est-ce qu'elles des rapports sexuels? J'ai dit, subhanallah. Et ensuite, il a ajouté, yani, comparé à l'esclave, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, Allahu Akbar. Si maintenant tout le monde a compris comme ça dans la salle, ça va être grave. Naam. Ça va vraiment amochir l'islam. Ensuite, ils vont dire, si on a entendu quelqu'un, il s'appelle Cheikh Chalabi, c'est lui qui a dit. Il a dit, si tu as une bonne, tu peux faire cette chose avec elle. Moi, je prends Allah subhanahu wa ta'ala en témoin que je n'ai jamais parlé des bonnes. Et des domestiques, naam, qu'on paye pour qu'elles viennent nous essuyer la maison ou la laver les vêtements ou quoi que ce soit. Moi, je parlais de la captive, celle lorsqu'on fait la guerre sainte et on la capture et c'est l'imam, le gouverneur qui te la donne. Te dit voilà, celle-là, naam, tu l'as en tant qu'esclave. Et je ne parlais pas de la bonne. Miskina, la musulmane, et même la kafira, la bonne qui vient à la maison pour laver, etc. Celle-là, si tu fais quelque chose avec elle, tu as fait la zina. Je n'ai jamais parlé de celle-là. Abu Marwan et les autres, est-ce que vous avez compris de moi, quand je faisais des doros sur les esclaves, etc., que je parlais des bonnes, par exemple? Est-ce que quelqu'un a compris cette chose de moi? Parce que ce qu'a dit cette personne, ça m'a vraiment étonné. Non, ça m'a vraiment étonné. J'attends votre réponse. Alhamdoulilah. Donc cette personne, peut-être que c'est elle seulement qui a compris cela. Et Inch'Allah ta'ala, je lui répondrai pour lui expliquer que je parlais des captives quand il y a la guerre sainte. Naam. Ça n'a rien à voir avec l'esclave. La femme de ménage n'a rien à voir avec l'esclave en islam. Naam. Maintenant, si la femme, alhamdoulilah, maintenant si la femme, naam, fait la femme ou bien son père par exemple, ou bien son frère, mettent comme condition qu'il ne doit pas avoir d'esclave, quand je dis avoir d'esclave, c'est-à-dire faire des rapports avec elle, ni se marier avec une deuxième. Est-ce que il est permis ou est-ce qu'il n'est pas permis? Il a dit, c'est Cheikh Lahirmo. Il a dit, s'il accepte, si le prétendant accepte, il a dit, Hada yajouz. Il a dit, ceci est permis. Pourquoi? Parce que le haqq al-ama n'a pas été. Fa lam ta'tadi ala ahad. ou ishtaratat an la yatazawwaj 'alayha fa inna hadha yajuz. Il a dit, quand elle lui a dit, j'ai fait comme condition que tu te maries pas avec une deuxième. Il a dit, c'est permis. Pourquoi? Parce que il y a une grande différence entre quoi? Entre quand la femme existe déjà et elle lui dit, il faut que tu la divorces. Et celle-là n'existe pas du tout. Elle lui dit, tu te maries pas, c'est tout. Il y a en fait une grande différence. Naam. Est-ce que la femme existe et il lui a fait du tort? Elle n'existe pas. C'est pas elle existait et elle lui a dit, il faut la divorcer. Celle-là n'existe pas du tout. Et moi, je ne la connais pas du tout. Et je ne sais pas qui est-elle. Si elle est blanche, si elle est mate, si elle est, je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Et je te dis seulement, ne te marie pas la deuxième. Il a dit, ceci est permis. Et il y a une grande différence entre de dire à une femme qui déjà existe, divorce-la. Et entre une femme qui n'existe pas du tout, et je lui dis, ne te marie pas avec une deuxième. Il a dit, et certains ulama ont dit, la yajuz. Certains ulama ont dit, ce n'est pas permis. Pourquoi? Ils ont dit, parce que Allah Ta'ala a dit, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَى مَثْلَ وَثُلَاثُ وَرُبَعَ. Ils ont dit, Allah Ta'ala a dit, et mariez-vous avec les femmes, mariez-vous avec une deuxième, troisième et quatrième. Alors, celle-là qui lui dit, ne te marie pas avec une deuxième, elle veut quoi? Elle veut lui limiter ce que Allah Ta'ala lui a permis. Ce que Allah Ta'ala lui a permis. Naam. فَيُقَالْ فِي الْجَوَابَ عَلَى ذَلِكَ. Il a dit, et on va répondre à ceux qui disent comme ça, et se basent sur ce verset, on va lui dire, هِيَ لَهَا غَارَتْ فِي عَدَمْ زَوَاجِهِ وَلَمْ تَعْتَدِي عَلَىٰ أَحَدْ وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَسْقَطَ حَقَّهِ فَإِذَا كَانَ لَهُ الْحَقِّ فِي أَنْ يَتَزَوَجْ أَكْثَرْ مِنْ وَاحِدَ وَأَسْقَطَهُ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ صِحَةِ هَذَا الشَّرْطْ وَلِهَذَا فَالصَّحِيحِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدْ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطْ صَحِيحْ. نعم. Il a dit, on lui dit, on lui répond, la femme, quand elle a mis comme condition dans le mariage, de ne pas, qu'il ne se marie pas avec une deuxième, elle a un but en fait. Naam, elle a un but. Et elle n'a fait de mal à personne. Il n'y a pas la femme, elle n'est pas là, elle lui a dit divorce là. Elle n'a fait de mal à personne. Et c'est lui-même qui a accepté. Naam, elle lui a dit, c'est halal pour toi de te marier avec une deuxième, troisième et quatrième. Et je ne te demande pas de rendre ça haram. Mais je te dis seulement, ne le fais pas à cause de moi. Et lui, qui a le droit de se marier avec quatre, a accepté. Il a dit, d'accord, je ne me marie qu'avec une. Il a dit, où est le problème? Cheikh Lahmou a dit, où est le problème? Je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez. Si une femme se marie avec quelqu'un et lui dit, je mets comme condition par exemple que, par exemple, tu ne manges pas l'oignon. Naam, je mets comme condition que tu ne manges pas l'ail. Je mets comme condition que tu ne manges pas les ananas, que tu ne manges pas les bananes. Et il accepte, d'accord. Je me marie et à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas manger ces choses. Bien sûr, il y a une grande différence entre Naam. Il y a une grande différence, bien sûr, entre quoi? Entre l'ail, entre l'ail, l'oignon et les bananes et les ananas. El Mouhim, c'était juste un exemple. Et ensuite, il a accepté. Où est le problème? Mais est-ce qu'elle lui a dit, c'est haram de manger les bananes, il ne faut pas les manger? C'est haram de te marier avec une deuxième, il ne faut pas te marier. Si elle dit ça, c'est haram de se marier avec une deuxième, troisième, quatrième, on lui dit, écoute, si tu es ignorante, je vais t'apprendre le verset qui dit que c'est halal. Et si tu sais qu'il y a un verset, et malgré cela tu dis, non, c'est interdit de se marier, là tu es devenu kafira. Attention, tu es devenu kafira. Mais, vous avez bien remarqué que elle lui a pas dit, je te rends haram la deuxième. C'est illicite la deuxième. Mais non, elle n'a pas dit ça du tout. Elle lui dit, c'est licite. Mais, vu ma jalousie, vu ceci, vu cela, ne le fais pas seulement à cause de moi. Ne fais pas la chose licite à cause de moi. Comme j'aurais pu te faire comme condition de ne pas monter dans la voiture, de marcher seulement à pied, de ne jamais monter dans l'avion, de ne jamais monter sur le bateau. Ce sont des conditions. Naam. Ce n'est pas, je te rends le licite, je vais le rendre haram. Non. Jamais. Je sais que c'est licite de se marier avec la deuxième, troisième et quatrième. Je veux seulement, moi, si tu me veux, moi spécialement, je n'accepte pas la deuxième, vu ma jalousie ou vu autre chose. Naam. Et lui, il a accepté. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, c'est quelque chose d'accepter ça. C'est une condition acceptée. Car comme j'ai dit, d'autres ont dit, mais l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, c'est l'avis de Ahmed Ibn Hanbal, que cet avis, cette condition dans le mariage est acceptée. Naam, la polygamie est un droit. Et elle peut lui demander de refuser Naam, son propre droit. Et de délaisser son droit, c'est tout. طيب مسألة لو قالوا للزوج نشترط عليك أنك لو تزوجت فهي طالق فقال لكم ألا أتزوج وإن تزوجت فهي طالق يصح شرط ألا يتزوج لكن لو تزوج regardez maintenant cette condition. Donc la première condition on l'a terminée, c'est quoi? C'est que la femme peut mettre dans le contrat de mariage que je n'accepte pas que tu te maries avec une deuxième. S'il accepte, ça y est. Maintenant, s'ils vont dire au mari, ils vont lui dire, nous mettons comme condition dans l'acte, dans le contrat, que, nous allons mettre dans comme condition que, si tu te maries avec une deuxième, la deuxième est divorcée. Nous allons mettre dans le contrat de mariage que, si tu te maries avec une deuxième, la deuxième est divorcée. Et il a accepté. Il a dit, d'accord, je ne me marie pas avec la deuxième. Et si je me marie avec la deuxième est divorcée. Ensuite, il a dit, Cheikh, il a dit, cette condition est valable. Mais, si maintenant il s'est marié, malgré cette condition, un mois après, une année après, il s'est marié avec la deuxième. Est-ce que la deuxième est divorcée? Non, pas la première, Abu Marwan. Pas la première, la deuxième. Cet homme, un homme est marié avec Aïcha. Un homme est marié avec une femme qui s'appelle Aïcha. Naam. Pardon. Un homme veut se marier avec une femme qui s'appelle Aïcha. Il ne s'est pas encore marié. Veut se marier avec une femme qui s'appelle Aïcha. Aïcha est son père. On dit, ou là son père a dit, je te donne ma fille Aïcha à condition que si tu te maries avec une deuxième, supposons que la deuxième s'appelle Rachida, alors elle est divorcée. Et il a accepté, il a dit, naam, si je me marie avec une deuxième autre que votre fille, la deuxième est divorcée. Le Cheikh Lahmo a dit, cette condition est acceptée. Naam. Mais, est-ce que, si jamais il va se marier, est-ce qu'elle va être divorcée la deuxième? Il a dit non. Elle ne va pas être divorcée. Pourquoi? لأنه تعليق على ما لا يملك. فالطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. وهذا الرجل لم يتزوج حتى يطلق. Il a dit, subhanallah l'adim. Naam, il a dit, il peut se marier une deuxième. Il leur dit, d'accord, j'accepte cette condition, que ma deuxième sera divorcée. Et, un mois après, il se marie et elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que, ils lui ont demandé de divorcer une femme avec laquelle il ne s'est pas encore marié. Et le divorce ne peut être qu'après le mariage. Comment? Il ne s'est pas encore marié et sa femme est divorcée. C'est pas possible. Donc, il peut se marier une deuxième et la deuxième n'est pas divorcée. Donc, s'ils lui font une condition pareille, ce sont eux qui se sont trompés. Car on ne peut pas mettre en condition à quelqu'un de lui divorcer sa femme alors qu'il ne s'est pas encore marié avec elle. Il a dit, et c'est pour ça, attention, vous les sœurs, pour ne pas vous tromper, il a dit, et c'est pour ça que si jamais une femme a entendu que son mari veut se marier une deuxième et a commencé dès maintenant à ne pas lui obéir. فَإِذَا أَمَرْهَا بِشِي لَمْ تَتَمَثَلْ. S'il lui dit fais cette chose, elle ne la fait pas. Il lui dit pourquoi tu ne fais pas? À chaque fois que je te dis fais la chose, tu ne la fais pas. Pourquoi tu ne m'obéis plus? Elle lui dit لِأَنَّكَ سَتَتَزَوَجْ. Parce que je sais que tu veux te remarier avec une autre. Alors il lui dit أَتُرِدِينَ أَنْ أُرْضِيك. Tu voudrais que je te fasse plaisir? Naam. Tu voudrais, Inch'Allah Ta'ala, que tu sois yani, rassuré? Elle lui dit Naam. Dis-moi quelque chose qui me rassure. Il lui dit إِذَا تَزَوَّجْتُ أَيَّ مَرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٍ. Si je me marie avec n'importe quelle femme, elle est divorcée dès maintenant. Ensuite, ثُمَّ عَقَدَ. Ensuite, il se marie avec non seulement une, mais avec deux. Il a dit ces deux femmes ne sont pas divorcées. Donc, attention les sœurs, ça c'est seulement une ruse. Il te dit, n'aie pas peur. Je jure devant Allah que si je me marie une deuxième, dès maintenant elle est divorcée. Dis-lui, écoute, écoute. J'ai appris le fiqh, alhamdoulilah, je connais la science. Naam, naam, tu crois que je connais pas la science? Je sais que même en disant cela, tu peux te marier. C'est pas la peine, naam, de jouer avec moi. Je connais le fiqh, inshallah, j'ai appris mon din. Car, tu ne peux pas divorcer une femme avec laquelle tu t'es pas encore marié. C'est pour ça que tu peux dire maintenant cette condition et même jurer et ensuite tu vas te marier, c'est valable. Arrête, arrête, je connais ça. Naam. وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ دَارِهَا. Maintenant, si elle lui met comme condition que il se marie avec elle à condition de ne pas la faire sortir de sa maison. À condition de ne pas la faire sortir de sa maison. Ala ana uzawwijuka binti lakin bi shart an la tukhrijaha min bayti fa yasah. Si quelqu'un va demander une femme et son père lui dit je te donne ma fille à condition qu'on mette dans le contrat de mariage que ma fille doit vivre dans ma maison. C'est-à-dire ma fille vit ici avec moi. Et toi, tu vis ici avec moi. C'est une condition. Ma fille ne sort pas de la maison. Je l'aime tellement, je me suis habitué à elle. C'est une fille unique. Elle m'aime beaucoup. On ne peut pas se quitter. Donc, voilà ma condition. Tu te maries avec ma fille ici chez moi. S'il accepte, la condition est valable. Non. Parce que c'est lui qui s'est rétracté de son droit. Son droit, c'est de prendre la fille et de la faire sortir de la maison de ses parents. C'est ça son droit. Maintenant, il s'est désisté de son droit. Il a dit, j'accepte. J'ai aboli mon droit. Naam. J'accepte que elle vive chez son père. Naam. لَكِنْ يَجُوزُ فِي مَا بَعْدْ أَنْ يَسْأَلَا إِسْقَطْ هَدَ الشَّرْطِ. Donc, il se marie avec elle et elle reste toujours chez ses parents. Elle ne sort jamais de chez ses parents pour aller habiter ailleurs. Mais, le Cheikh Rahmo a dit, mais il peut après lui demander, Naam, qu'elle annule cette condition. Car c'est son droit à elle, c'est tout. Mais si jamais, après un an ou là, il la convainc et elle annule cette condition, il n'y a plus de problème. Il la convainc, il lui parle. Il lui achète une bague d'or, une dame, né, pour qu'elle change d'avis. Ensuite, elle a changé d'avis. Alhamdoulilah. Né, classe, ce n'est plus haram. Naam. C'était haram, c'est quoi? Si c'est marié, si la fait sortir de force. Naam. Elle peut même annuler son mariage. Mais maintenant, c'est elle qui a été convaincue. Il a dit, Cheikh Lahmou, walou bi'awaz, ala al-qawl al-rajih. Même s'il doit lui donner quelque chose en contrepartie. C'est-à-dire, elle n'est pas convaincue lorsqu'il parle, c'est tout. Alors, il lui dit, je te donne de l'argent. Je te donne 1000 euros et, yani, annule cette condition. Ou bien, je t'achète telle et telle chaîne d'or et annule cette condition. Si elle accepte, alhamdoulilah. Si elle accepte, il lui achète la chose et ils vont habiter quelque part chez lui ou bien, je ne sais pas où. Au beladiha. Ishtaratat, elle la yukhrijaha min beladiha. Fahada jaiz. La même chose. Maintenant, si elle met comme condition de ne pas sortir de sa ville. De ne pas sortir de sa ville. Naam, elle peut, elle ou bien son père, ou bien je ne sais pas qui, bien sûr, de dire, je mets comme condition dans le mariage que je vis seulement à Paris. Naam, voilà ma condition. C'est de vivre à Paris, de vivre à Lyon, c'est tout. Naam, pourquoi? Elle sait pourquoi. Elle veut être près de ses parents. Elle veut être près de sa mère. Elle veut être près de l'école de ses hommes. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle le sait. L'essentiel, c'est lui qui choisit. Il accepte la condition ou il n'accepte pas la condition. Mais elle, c'est, si elle met cette condition est valable. طيب. قال في الروض وأن لا يفرق بينه وبين أولادها فهذا أيضا شرط صحيح. Autre condition qu'elle peut mettre aussi. Elle est mariée, elle a des enfants. Elle a des enfants. Maintenant, quelqu'un est venu lui demander sa main. Elle met comme condition que j'accepte de me marier avec toi à condition que tu ne sépares pas entre moi et mes enfants. Naam, certains hommes qui veulent se marier une femme qui a des enfants mettent comme condition que elle ne vienne pas avec ses enfants. Elle laisse ses enfants vivre ailleurs, chez sa mère à elle, chez son père à elle, je ne sais pas où. Naam, si elle accepte, elle ne peut plus jamais faire venir ses enfants vivre avec le nouveau mari. Sauf bien sûr, si elle le convainc ou elle lui donne de l'argent, etc., pour qu'il annule cette condition. Et la même chose maintenant pour la femme. Elle peut, si elle a des enfants, et quelqu'un lui demande sa main pour mariage, elle dit j'accepte à condition que je ne me sépare pas de mes enfants. J'accepte à condition que mes enfants vivent avec qui? Vivent avec moi. Naam. C'est une condition valable, naam, qu'elle peut mettre aussi. Naam, elle est libre. Une seconde. طيب كذلك أيضا إذا شرطت أن ترضع ولدها الصغير وقبل بهذا يلزمه لأن هذا كله أقسم فيها أنها إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج وهو الذي رضي بذلك وأسحق حقه. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? الحمد لله الحمد لله منهاج comment s'appelle Minhaj ul Haq, change la couleur de la police, elle dit, change la couleur, inshallah. Et aussi, ça rentre dans la condition qui est valable aussi, si une femme a déjà un bébé qu'elle allait. Ensuite, le mari, là, le prétendant, naam, est venue lui demander sa main. Elle a un bébé qu'elle allait. Elle a mis comme condition quoi? Elle a mis comme condition que elle allaitera le bébé, par exemple, jusqu'à ce que il n'ait plus besoin de lait. Elle a mis ça comme condition. S'il a accepté, naam, il ne peut plus lui dire pourquoi tu l'allaites. Naam. Pourquoi? Parce que c'est son droit. Il a le droit, lui aussi, de mettre comme condition que je me marie avec toi, avec ton bébé, à condition que tu ne l'allaites pas. À condition que tu ne l'allaites pas. C'est son droit. Il veut que sa femme ait toujours une belle poitrine. Et tout le monde sait que la femme, qui allait beaucoup et qui a beaucoup d'enfants, que sa poitrine yani, va descendre, etc. Ça va être un défaut en elle. Celui-là, il met comme condition, je me marie avec toi, à condition que tu n'allaites pas le bébé. Naam, tu lui achètes le lait ou la, tu, on va faire venir une femme qui l'allaite, je m'en fous. C'est pas toi qui l'allaites. Naam, pour que ta poitrine reste toujours bien. Naam. Maintenant, elle sait que peut-être il va demander cette chose, alors elle met comme condition que je me marie avec toi à condition que j'allaite mon bébé. Je l'allaite pendant une année ou deux années, ou je ne sais pas combien. C'est elle qui choisit. Elle met ça comme condition. نعم أو اشترطت نقدا معينا elle a aussi le droit de mettre comme condition نعم telle somme d'argent ça c'est bien sûr pour la dot pour la dot elle va mettre telle somme d'argent par exemple نقدا معينا elle ne parle pas ici pardon de la somme mais elle parle de la qualité si je puis dire hein, c'est pas la qualité mais de la devise spécialement elle dit uridu an yakuna sadaqi dollarat na minhajul haq corrige ce n'est pas telle somme je me suis corrigé naam elle choisit une devise spéciale elle dit je voudrais que ma dot soit en dollars je voudrais que ma dot soit en dinars algériens je voudrais que ma dot soit en euros je voudrais que ma dot soit en dirham marocain et comme ça elle a le droit de choisir une devise spéciale naam elle lui dit je veux telle et telle devise je si elle est en France si elle est en France elle lui dit je ne veux pas que ma dot soit en euros je veux que ma dot soit en dinars par exemple algérien elle a le droit ويجوز ايضا لو اشترطت ان يكون المهر من النقد المعدني يعني ذهب او فضه فانه يجوز اي ça rentre aussi dans les conditions valables du mariage qu'elle demande que sa dot soit un métal un métal je voudrais que ma dot soit en or je voudrais que ma dot soit en argent de l'argent le métal je voudrais que ma dot soit le diamant et comme ça bien sûr dans la deuxième étape elle doit dire exactement combien naam 200 grammes d'or naam 300 grammes de telle chose d'argent et comme ça naam ولو شرطت ان يكون صدقها من فئه 200 جديده فانه يجوز il lui est aussi valide qu'elle demande que sa dot soit de tel et tel, je ne sais pas comment on appelle ça, tel papier. Pardon, pas papier, billet. Je voudrais que ma dot, qui est, par exemple, qui est 5000 euros, je voudrais qu'elle soit toute des billets de 200 euros. D'abord, est-ce qu'il y a un billet de 200 euros ? Ça, je l'ai dit de ma tête, je ne sais pas. Je voudrais que mes billets, par exemple ma dot, les 5000 euros, soient tous Alhamdulillah. Bon Marouane, après envoie-moi un billet pour que je le voie. J'ai déjà mais envoie-moi un ou deux trucs. Elle dit je voudrais que ma dot soit des billets de 200 euros par exemple. Naam. Ensuite, maintenant Bon Marouane est en train de penser, il va dire mais je sais pas s'il va les rendre. Il va les voir mais je sais pas s'il va les rendre ou pas. Naam. Je les rends car ce n'est pas une dot. Bon Marouane, ce n'est pas une dot. Je vais te les rendre. Ça y est. الله تعالى دين لكم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود المهم الله سبحانه وتعالى دين لكم أوفوا لكرويان respectez les engagements et est-ce que c'est quelque chose de grave quand elle a demandé que ça soit des billets de 200 ou 200 non c'est pas grave tu as accepté si tu savais que c'était difficile d'avoir ces choses pourquoi tu as accepté la condition tu sais que c'est difficile d'avoir le métal d'argent ou la d'or. Tu ne peux pas l'acheter. Pourquoi tu as accepté cette condition? Tu aurais pu dire, je ne peux pas ramener le métal d'or. Ça ne se vend pas, ça n'existe pas, etc. Je ramène de l'argent. Je ne peux pas ramener des billets de 100. Je ne peux pas ramener des billets de 200. Et comme ça. Tant que tu as accepté la condition, c'est trop tard. Sauf si elle se rétracte. Sauf si elle se rétracte comme j'ai dit. Naam. Ou ziyadatan fi mahriha. Sah. Naam. Et la même chose maintenant, si elle va demander, naam, plus que on ne doit demander dans la dot. Elle va demander plus que on doit demander dans la dot. Et maintenant si elle peut demander plus, bien sûr qu'elle peut aussi demander moins. Naam. si elle peut demander plus, c'est que quoi? Elle peut demander aussi moins. Il a dit, فَلَوْ قَالَتْ أَنَا أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ يَكُونَ مَهْرِي مِلْيُونَ رِيَالٍ وَمَهْرِي لَا يُسَوِي إِلَّا مِئَةِ رِيَالٍ فَهَذَا يَصِحْ. Il a dit, je fais comme condition que ma dot soit 1 million de riels saoudiens. 1 million de riels saoudiens. Alors que ma dot, normalement, c'est 200 riels. Regardez, normalement, d'après mes sœurs qui se sont mariées, elles ont demandé 200 riels. Donc normalement, je te demande 200. Mais moi, je vais te demander 1 million de riels, pas 200. Il a dit, sahih, cette condition est valable. Pourquoi? Parce que il peut refuser. Et qui t'a dit d'accepter 1 million? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne dis pas 1 million, c'est beaucoup? Pourquoi tu dis pas, d'où vais-je ramener 1 million? Pourquoi tu lui dis pas, va chercher un autre qui a 1 million, moi j'ai pas cette somme. Maintenant tu as accepté, donc il faut chercher le million. Naam. الشيخ رحمه الله دي وهذا قد يقع تعجيزا للخاطب لأنها لا تريده وأبوها أو أبوها وأمها نعم وحشيتها يريدون أن يجبروها على ذلك أن يجبروها على ذلك فتقول لا مانع بشرط أن يعطيني مهرا مليون دين. نعم الشيخ رحمه الله دي صاغيف دي فوا لا فام ne veut pas de cet homme, la femme ne veut pas de cet homme. نعم et son père et sa mère et la famille veulent de force la marier avec cet homme. Ah bon? Vous voulez de force? Moi je vous dis, je l'accepte pas, vous voulez de force? Alors je demande 10 millions d'euros. Alors je demande 10 millions d'euros. Car c'est elle qui choisit la dot. C'est elle qui choisit la dot. Ce n'est pas comme chez nous, c'est le père qui choisit la dot. Et la femme, des fois, ne sait même pas c'est combien sa dot. Elle s'est mariée, elle ne sait même pas c'est combien ça dot? Combien on a donné à mon père, je sais pas. C'est même pas elle qui prend l'argent. Subhanallah al-Azim. Regardez cette grande injustice. Allah Ta'ala a donné la dot à la prétendante, car elle va lui donner quelque chose d'illicite à tout homme. Tout autre homme n'a pas le droit de toucher à cette chose illicite. Elle va la donner à cet homme qui a dit bismillah dans le contrat de mariage pour telle et telle somme. Et maintenant, c'est le père qui va profiter de cet argent. Subhanallah al-Azim. C'est vraiment, vraiment, vraiment étonnant, contradictoire et malheureux. Les trois à la fois. Naam. Donc ici, ils veulent la forcer. Elle a dit, je demande 10 millions d'euros. Naam. Comme ça, le mari ne peut pas donner cette somme. Bien sûr. Et est obligé de ne pas accepter le mariage. Est obligé de ne pas accepter le mariage. Il a dit Cheikh Rahmo, et quand elle demande comme ça une somme, une grande somme, mais il y a beaucoup d'adjectifs pour dire comme ça. Attendez, il y a un bel adjectif ici. Attendez, je le cherche en français. On dit faramineuse. Ah, une somme faramineuse comme celle-là, subhanallah al-Azim, exorbitante, faramineuse, 10 millions d'euros. Non. Il a dit maintenant, quand elle a demandé beaucoup, dans la dot, elle a demandé beaucoup, et on lui a donné la dot. Il a dit, à qui revient la dot? À sa mère ou à son père? Il a dit, تَكُونُ لَهَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ. La dot doit revenir à la mariée. Qui a dit ça? Allah Ta'ala a dit dans le Coran. وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. نِحْلَة, عفوان. وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate An-Nisa, verset 4. Et donnez aux épouses leur mahr. Et donnez aux épouses leur mahr. Nihla, de bonne grâce. Subhanallah al-Azim, de bonne grâce. Allah Ta'ala dit deux choses dans ce verset. Il a dit, donnez aux épouses leur mahr. Attention, c'est pas vous qui allez prendre. Ni le père, ni la mère, ni le grand-père, ni le mari, ni le voisin. personne ne va prendre la dot de la femme. C'est elle qui la prend, premièrement. Premièrement. Et donner aux épouses le mât, premièrement. Et deuxièmement, donnez-la, cette dot, donnez-la de bonne grâce. Naam, ce n'est pas tu dis, et si je t'avais pas donné la dot, et si, bon alors, allez, prends la dot, Non, ce n'est pas comme ça. Allah Ta'ala t'a ordonné de la lui donner. Tu la lui donnes, c'est son plein droit. Naam, tu dis pas c'est moi qui t'ai donné, etc. Si je t'avais pas donné. Tu dois donner, tu dois donner. C'est une obligation de lui donner sa dot. Elle est libre maintenant. Si elle veut en donner une partie à son mari, elle en donne. Elle veut donner une partie à son père, elle en donne. Elle veut donner une partie à sa mère, elle en donne. Elle veut donner à la voisine, elle donne. Elle veut donner à la concierge, elle lui donne. C'est son argent propre à elle. Elle fait ce qu'elle en veut. بإذن عز وجل. نعم. فإن خالف فلا الفسخ. يعني إن خالف هذه الشروط أن يطلق ذرتها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة النقد معين أو زيادة في مهرها سبع مسائل لكن الأولى منها ضعيفة فيكون المعتبر من المسائل ست مسائل إن خالف فله الفسخ. نعم. الشيخ الحمودي maintenant après avoir fait les conditions par exemple qu'on avait citées, c'est certaines conditions on a citées, qu'il ne se marie pas sur elle, qu'il ne la fasse pas sortir de la maison, qu'ils doivent donner tel et tel argent, telle et telle chose comme dot. Naam, tout ce qu'on a cité ici, il a dit, si jamais le mari se marie, ensuite ne tient pas promesse, elle a le droit d'annuler son mariage. Naam, je me suis marié avec toi avec telle condition. Tu n'as pas tenu la condition, le mariage est aujourd'hui annulé. Subhanallah al-Azim. Vous ne voyez pas que donc c'est bien, des fois c'est bien de faire des conditions. Naam, j'ai peur de quelque chose. J'ai peur, j'ai des doutes. Pourquoi je ne la mets pas comme condition pour être sûr? Naam, j'ai des doutes que mon mari, je ne sais pas. Il fait la prière, il arrête. On me dit il fait pas. Et je vais me marier, j'ai pas d'autre solution. Mais je fais comme condition, attention. Si jamais j'apprends que tu as arrêté la prière, notre mariage est nul. Naam, je te fais ça comme condition. Tu n'arrêtes jamais la prière. C'est un exemple. Sinon, jamais la sœur ne se marie avec quelqu'un qui ne se marie pas. Mais c'est un exemple. Naam, déjà s'il arrête la prière, chez beaucoup de ulama, il est kafir. Le fait qu'il ait arrêté la prière, déjà de lui-même, l'acte de mariage devient nul. Chez la plupart des ulama. Et ce qui est étonnant, c'est que, comme Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, qui dit que celui qui ne fait pas la prière n'est pas kafir, Cheikh Al-Albani dit celui qui n'est pas la prière n'est pas kafir. Et il a dit, j'ai la fatwa, elle est avec moi, si vous voulez un jour je vous la fais entendre, il a dit, il est interdit à une femme qui vive de vivre avec quelqu'un qui ne fait pas la prière. Il est interdit en islam à une femme de vivre avec un homme qui ne fait pas la prière ou bien qui a arrêté la prière. Subhanallah al-Azim. Il est déjà 23h30. On arrête inshallah ta'ala ici. La prochaine fois, on va parler comment qu'elle annule le mariage. Comment doit-elle faire pour annuler le mariage? On se rencontre inshallah ta'ala dans 5 minutes pour vos questions qui auront seulement rapport avec le mariage et pas avec la aqida ni le tayammum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mettez le courant, jazakumullahu khairan. Salam alaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طيب، on va commencer إن شاء الله تعالى par أم عبد الرحمن. نعم. Prépare-toi إن شاء الله تعالى. Je t'enlève le rouge. أم عطالية. أم عطالية 38. Tu es là. Écris numéro 1. أم عطالية. Tu es là. Écrit numéro 1, inshallah ta'ala. Pour la fatwa, de la salat, je parlais de Cheikh Al-Albani, qui dit que elle ne peut pas rester avec lui. Bien sûr. Ce n'est pas la peine de parler de ce qu'a dit Cheikh Al-Othaymine et les autres. Naam. Akhabou Marwan, est-ce que tu es là? Naam. Pour lire, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, Abdurrahman, tafadali. Taliya, 38. Pose ta question. Peut-être Abdurrahman n'est pas là, n'a pas répondu par un. Fadal Abou Marwan. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez, Inch'Allah? Quand la question elle est finie, Inch'Allah, mettez un 1. Bismillah. Assalamu alaikum. Une sœur est mariée depuis 7 ans. Alhamdulillah. Pour son mariage, son père était son mahram. Cependant, son père ne prie pas, ne porte pas la barbe, fume et faisait du haram à temps partiel. Par contre, il reconnaît l'islam et depuis 3 ans, il a recommencé à faire le ramadan, alhamdulillah. Elle voudrait savoir si son mariage était valide à ce moment-là. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Amin. Barakallahu fikoum. Salam alaikum. Bismillah. Salam alaikum. Vous entendez? Le cheikh, il a peut-être été déconnecté. Allahu alam. Inch'Allah, il va revenir. Salam alaikum. Salam alaikum. Abu Mariam. Anta moujoud, Inch'Allah? Al anta moujoud. C'est pas Abu Mariam, Abu Marwan. Tafadlal, lis la question. Tafadlal, je t'ai pas entendu. Tafadlal. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Donc, la question est la suivante. Une sœur est mariée depuis maintenant 7 ans, alhamdoulilah. Pour son mariage, son père était son wali. La sœur, elle a écrit maharam, mais moi je lis wali. Inch'Allah, vous lui répondrez, cheikh. Cependant, son père ne prie pas, ne porte pas la barbe, fume et faisait du haram de temps en temps, Allah al-Musta'an, à cette époque. Par contre, il reconnaît l'islam et depuis 3 ans, il a commencé à jeûner pendant le mois de Ramadan. Elle voudrait savoir si son mariage était valide à ce moment-là. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Amin. Barakallahu fikoum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Rahmatullah wa barakatuh. La question est de qui, Abu Marwan? Est-ce que la personne qui a posé la question est là? Qui a posé cette question? J'ai une question à lui poser. Taliya. Tayyib. Taliya, elle est là, naam. Tayyib, je ne la vois pas sur la liste, mais ça ne fait rien. Taliya, écrit numéro 1 si tu es là. Est-ce que tu veux dire, alhamdoulilah, allez, en deuxième position. Naam. Est-ce que tu veux dire que lorsque cet homme, lorsque ce tuteur, à marier cette femme, il ne faisait pas la prière, etc., etc. Est-ce que c'est ça la question? Lorsque il l'a mariée, voilà. Donc la réponse est très simple, Inch'Allah Ta'ala. Si la sœur, en ce moment-là, où il l'a mariée, si en ce moment-là, elle était de l'avis qui dit que celui qui ne fait pas la prière, mais jeûne, etc., et fait des choses de l'islam, n'est pas un kafir, comme dit Cheikh Al-Albani, dans ce cas, celui-là, c'est son tuteur. Et son mariage n'a aucune poussière. C'est un mariage valide. Mais si elle est de l'avis qui dit, mais qui disait à l'époque, il est kafir, dans ce cas, il ne peut pas la marier. Et elle est obligée alors d'aller refaire le contrat de mariage. Pas sur les papiers, mais de elle était débutante, donc n'avait aucun avis. Si elle n'avait aucun avis, donc laisse-la sur l'avis du Cheikh Al-Albani, laisse-la, car en général, quelqu'un qui dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est un musulman. » Laissons-la sur cet avis, ne compliquons pas les choses, Inch'Allah ta'ala, na'am, et laissons-la avec l'avis le plus simple, Inch'Allah ta'ala, na'am. Umm Abdurrahman, où est-ce qu'elle est, qui était en première position? Abu Marwan, réponds-moi. Où est Umm Abdurrahman? Elle est là, Inch'Allah ta'ala. Tfadlan. Bismillah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Donc la question, Inch'Allah, si vous m'entendez, de Umm Abdurrahman, est la suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Barakallahu fik, Cheikh, pour tous les efforts que vous faites pour notre communauté. Qu'Allah vous préserve, amin. Donc, ma première question est la suivante. Est-ce qu'une femme divorcée a-t-elle le droit de se marier seule, sans l'accord de son père? C'est une question qui est déjà venue plusieurs fois, dont vous avez déjà répondu plusieurs fois. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aucune femme en islam n'a le droit de se marier sans son père. Je dis pas seulement son père, sans son tuteur. Des fois, c'est pas, elle n'a pas de père, son tuteur, par exemple, c'est son grand-père, son frère, son fils, son oncle. Non, parlons en général du tuteur, c'est mieux. Aucune femme en islam ne peut se marier sans son tuteur, qu'elle soit vierge ou divorcée ou veuve, ou dans n'importe quelle situation. Mécréante. Même si elle était mécréante, elle vient de rentrer en islam et elle n'a pas le droit de se marier. Pourtant, elle n'a pas de tuteur. Et elle n'a pas le droit. Son tuteur sera alors qui? Le gouverneur. Donc, règle générale, aucune femme en islam n'a le droit de se marier sans tuteur. Et une femme qui n'a pas de tuteur, le gouverneur, c'est son tuteur. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout mariage sans tuteur est un mariage, yani à peu près dans ce sens, yani nul, nul, nul. Naam, il a dit. Et celle qui n'a pas de tuteur, son tuteur c'est le gouverneur. Naam. Salafia bint Soussia, tafadali. Muslima 198, écrit numéro 1, si tu es là. Bismillah, salam alaikum. Vous m'entendez? Salam alaikum, cher. Si un mari décide de se marier avec une deuxième femme et que le père est totalement contre et que le mari le fait et que le père dit « Si tu ne divorces pas avec lui, tu n'es plus ma fille et tu ne viens plus chez moi », que doit faire, Inch'Allah? Donc je repose la question, je relis la question mais parce qu'elle a mal été écrite. Donc, si un mari décide de se marier avec une deuxième femme et que le père de sa première femme est totalement contre et que le mari le fait quand même, décide quand même de prendre une deuxième femme et que le père de sa première femme, il dit à sa première femme, si tu ne divorces pas avec lui, tu n'es plus ma fille, tu ne viens plus à la maison, on veut plus te voir, on veut plus entendre parler de toi. Que doit faire la sœur? Akallahu fikoum, salam alaikum. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah wa barakatuh. Non, je crois que Muslima 198 n'est pas là. Tayyib. En règle générale, hein, quand le père demande à son enfant, et l'enfant, que ce soit un homme ou une femme, c'est son enfant toujours, de divorcer, il divorce. Ils se sont basés sur le hadith authentique où il est cité que Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu a demandé à son fils Abdullah de divorcer. Et Abdullah est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, mon père m'a dit de divorcer, m'a ordonné. Il lui a dit, ati' abak, obéis à ton père. Naam. Les ulamas se sont basés sur ce hadith pour dire que, en règle générale, on doit obéir à son père au divorce, s'il demande le divorce. mais l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que si notre père nous demande de divorcer, on doit voir est-ce que ces raisons sont valables ou pas. Car une personne est allée chez l'imam Ahmed rahimahullah et lui a dit, mon père m'a dit de divorcer. Et c'est basé sur le hadith de Omar al-Khattab avec son fils. Et Ahmed rahimahullah lui a répondu, Naam, divorce si ton père est comme Omar al-Khattab. Naam, si ton père est comme Omar al-Khattab et a les mêmes intentions que Omar al-Khattab. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, avait une femme qu'il aimait, bien sûr. Mais elle était tellement belle, naam, que son père avait su que c'était une fitna pour son fils dans le din. Et avait peur que, on ne sait jamais ce qui peut arriver, naam, d'une femme qui est très belle. Alors il lui avait demandé de divorcer. Donc c'est pourquoi? Pour préserver son din. Raison très valable. Et non pas comme de nos jours, par exemple, pourquoi on va aller loin? Pourquoi on va aller loin? La sœur dit que, il lui dit, tu divorces, sinon tu n'es plus ma femme. Pourquoi? Parce qu'il veut se marier avec une deuxième. Est-ce que se marier avec une deuxième, c'est une chose licite ou qui n'est pas licite pour l'homme? C'est une chose licite pour l'homme. C'est Allah Ta'ala qui lui a donné cette chose. Et la fille et son père n'ont pas mis comme condition qu'il ne devait pas se marier avec la deuxième. Donc, normalement ici, la fille ne doit pas obéir à son père. Car son mari a le droit de se remarier. Ensuite, c'est elle qui va rentrer dans les problèmes, etc. Naam. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, cet homme a le droit de se marier une deuxième fois. Et cette femme est toujours sa femme. Et elle doit lui obéir. Naam. Et ne pas obéir à son père qui veut la séparer de qui? Veut la séparer de son mari. Alors qu'il n'a rien fait de mal, ni n'a rien fait de haram. N'a rien fait de mal, ni n'a rien fait de haram. Naam. Mais si elle peut, cette sœur, elle demande l'avis d'un savant. Elle demande l'avis à un savant. Moi, je n'ai dit que mon avis, ce que je sais moi. Si elle peut, elle demande à un savant, inshallah ta'ala, pour qu'il lui réponde. C'était mon avis. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Naam. Tayyib, Muslima 198, je crois qu'elle n'est pas là. On passe à Abu Anis 68. Fadal. Bismillah. Abu Anis 68. Salam alaikum. La question, ayo, elle est là. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sheikh. Un frère a voulu divorcer de sa femme définitivement, mais il a fini par la reprendre. A-t-il le droit? Barakallahu fikum pour votre temps. La question, elle n'est pas claire. Un frère a voulu divorcer sa femme définitivement. Ça veut dire que c'était la troisième fois. Mais il a fini par la reprendre. Après l'avoir divorcé la troisième fois ou avant? Parce que le cheikh, il va vous poser toutes ces questions. Inch'Allah, réécrivez la question. Donc, cheikh, Inch'Allah, je vous lis la question. Allahu a'lam, si je me trompe. C'est un frère, il a divorcé sa femme trois fois. Donc, le divorce était définitif. Et il a quand même repris sa femme par la suite. A-t-il le droit? Allahu a'lam. Salam alaikum. Abu Anis, 68. Écrit numéro 1, si tu es là. Comme a dit Abou Marwan, ta question n'est pas comprise. Moi, je vais te poser la question, toi, tu vas dire si c'est comme ça ou pas. Est-ce que c'est une personne qui a voulu dans l'intention, c'est tout, dans le cœur, dont a voulu se séparer, a mis l'intention de se séparer, ensuite ne s'est pas séparé d'elle. Est-ce que c'est ça la question? Yani, il voulait dans son cœur se séparer d'elle, et il ne s'est pas séparé d'elle. Est-ce que c'est ça? Si c'est non, tu écris, Inch'Allah Ta'ala. Abu Anis, Tayyib. Alors, dans ce cas, pourquoi tu as dit, il l'a reprise. Est-ce que, elle n'a pas quitté la maison. Alors, comment tu as dit, il l'a reprise? Est-ce qu'il y a eu séparation pour qu'il la reprenne? Est-ce qu'il y a eu séparation pour qu'il la reprenne? Pourquoi tu l'as dit, la reprise? Pourquoi tu n'as pas dit, il voulait la divorcer, ensuite il a continué avec elle? C'est ça ce que tu veux dire? Mais il lui a annoncé. Naam. Comment lui a-t-il annoncé? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est très important. Car maintenant, il y a une minute, tu as dit qu'il a dit ça dans son cœur. Je t'avais dit, Abu Anis. Il a mis l'intention dans son cœur, tu m'as dit un. Voilà, oh, c'est ok, oui, un. Ça veut dire seulement dans son cœur. Maintenant, tu dis, il a annoncé. S'il a annoncé, c'est autre chose. Maintenant, il a annoncé à sa femme. Il lui a dit que, naam, ceci, cela. Il lui a annoncé dans son cœur. Abu Anis, peux-tu prendre le micro, Jazakallahu khair? Abu Anis, qu'est-ce qu'il lui a annoncé? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Où est cette personne? Naam. Regardez, je vous donne une règle générale. Inch'Allah Ta'ala. Toute personne. Écris d'abord Abu Marwan, écris mon numéro 1. Alhamdulillah. Toute personne qui veut, là, me pose une question sur le mari, pardon, pas sur le mariage, sur le talaq, je lui fais comme condition que la personne elle-même doit être présente. C'est comme ça que je fais dans la mosquée. Quand quelqu'un vient me dire, mon voisin X a dit à sa femme, tu es talaq, tu es ceci, je lui dis, tu le ramènes lui. Lui, il doit être là. Pourquoi? Toi, en me parlant, tu peux dire un mot à la place d'un autre, et ça change tout. Alors que si lui, il était présent, il aurait dit autre chose. Naam. Je veux que la personne elle-même soit présente quand on me parle de divorce. Ou bien, si la personne ne peut pas venir, vous l'enregistrez, quand je vous donne à parler, vous mettez la cassette pour que j'entende la personne, qu'est-ce qu'elle a dit exactement, quelle est la phrase qu'elle a dite. Si elle a dit un mot à la place d'un autre mot, tout va changer. Naam. De mariée, elle sera divorcée. De divorcée, elle sera mariée. Et tout change. Elle est présente. Alors, si elle est présente, qu'elle m'explique. Qu'a dit cet homme? Il a dit dans son cœur, ensuite il a annoncé. En annonçant, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es divorcé? Ou là, j'ai l'intention de te divorcer? Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? J'attends, Inch'Allah. Naam. Ainsi plus ce qu'il a dit. Ce qu'elle a dit. Elle ne sait plus ce qu'elle a dit. Normalement, ce qu'il a dit, c'est lui qui a dit. Exactement quelque chose comme, si tu ne changes pas ton comportement, si tu ne changes pas ton comportement, si tu ne t'arranges pas avec ta mère, je te divorce, quelque chose comme ça. Naam. Si. Naam. Abu Anis 68. Quand quelqu'un dit à sa femme, si tu ne fais pas cette chose, je te divorce. Si tu ne fais pas cette chose, ou bien le contraire. Si tu fais cette chose, tu es divorcé. Je donne un exemple. Quelqu'un dit à sa femme, si tu vas chez la voisine Rachida, tu es divorcé. Maintenant, sa femme est allée chez sa voisine, chez Rachida, après avoir entendu son mari lui dire, si tu vas chez Rachida, tu es divorcé. Maintenant, on demande à son mari, on lui dit, quand tu lui as dit à ta femme, si tu vas chez la voisine Rachida, tu es divorcé. Que voulais-tu en fait? Tu t'es dit dans ton cœur que si elle va là-bas, chez Rachida, khlas, je me sépare d'elle, et alhamdoulilah, je ne veux plus d'elle, et je me marie avec une autre. ou bien tu lui as dit cette phrase juste pour lui faire peur, pour qu'elle n'aille pas chez Rachida. Mais ton but, ce n'était pas de la divorcer. Tu aimes beaucoup ta femme pour la divorcer. Naam. S'il va dire, je lui ai dit, si tu vas chez Rachida, tu es divorcé, car je ne veux plus d'elle. Je lui ai donné la dernière chance. Si elle va là-bas, elle est divorcée. Cette femme est divorcée. Et s'il dit, non, je lui ai dit juste pour lui faire peur, pour qu'elle n'aille pas, pour que lorsqu'elle entende la phrase le divorce, elle a peur, et elle reste à la maison. On lui dit, alors dans ce cas, tu dois nourrir 10 pauvres. Tu dois nourrir 10 pauvres, c'est une kafara, et ce n'est pas un divorce. Naam. Et on passe, inshallah ta'ala, au prochain. Salma, tafadlali, bint Adam, écrit numéro 1, si tu es là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, cheikh. Est-il vrai que Khadija, radiallahu anha, avait posé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la condition de ne pas avoir de co-épouse? Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Faut dire que je n'ai jamais entendu cette chose. Il se peut que cette chose soit vraie, car ce n'est pas toute chose que je n'ai pas entendue qui est fausse. Il se peut que cette chose soit vraie, mais jamais dans ma vie, je n'ai entendu celle-là. Et si c'était vrai, sûrement que les savants l'auraient énoncé, l'auraient écrit dans leur livre quand ils parlent des conditions de mariage. Ils auraient dit, comme a fait Khadija au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne se trouve dans aucun livre. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mais ce que je sais, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté à son gendre Ali, le mari de sa femme Fatima, d'épouser une deuxième. Surtout puisque c'était la fille de Abu Jahl. Je crois que c'est spécialement à cause de cette chose. Il lui a dit comment la fille d'ennemi d'Allah avec sera jointe avec la fille de l'allié d'Allah, c'est-à-dire lui, c'est impossible que yani, ces deux puissent se joindre. Naam. Et quand Fatima radiallahu ta'ala anha est morte, Ali, comme vous savez, radiallahu ta'ala anha, s'est marié avec plusieurs femmes, c'est-à-dire divorcé et marié, bien sûr, avec plusieurs femmes. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Bint Adam, tafadlali. Oussama 83, écrit numéro 1 si tu es là. Bismillah, salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum, Sheikh, barakallahu fik pour le temps que vous nous accordez. Que pouvez-vous dire du mariage civil dans un pays non musulman? Est-il permis ou non? Comment établit-on un contrat de mariage? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Le mariage civil dans un pays de kuffar, naam, est permis entre un kafir et une kafira. Un kafir, quand il se marie avec une kafira, naam, il va à l'état civil, etc., et fait un contrat de mariage qui a bien sûr un rôle en islam. Ce rôle, c'est que ils se sont mariés d'une façon officielle. C'est pour ça que maintenant, par exemple, s'ils avaient un enfant, s'ils avaient une fille de Zina, alors ici, la fille pourrait se dévoiler devant son père, devant cet homme biologique. Naam. Pourquoi? Parce que il s'est marié avec sa mère. Et s'étant marié avec sa mère, cette fille est devenue une rabiba. Donc ça a un rôle. Quant aux musulmans, il se marie avec quoi? Il se marie le mariage religieux. Et ils ajoutent l'autre, celui de l'état civil, pour préserver leurs droits, c'est tout. Ce n'est pas parce que je reconnais les lois des kofars, mais parce que je n'ai d'autre but de préserver mes droits que cette chose. C'est à peu près comme tu achètes une voiture et tu n'as d'autre possibilité que d'assurer ta voiture. Car si tu l'assures pas et qu'en t'attrape, ou bien que tu, comment qu'on dit, tu t'adhasses, hein, tu, quelqu'un, hein, tu le fais tomber, alors là, tu vas aller directement en prison. Naam. Donc, quelqu'un qui fait cet acte, le fait spécialement pour préserver ses droits, car demain, l'homme peut dire, je ne connais pas cette femme, et je ne reconnais pas l'enfant qu'elle a. Naam. Je ne me suis jamais marié avec elle. Mais ayant les papiers, il ne peut pas se sauver. Naam. Et rappelez-moi comment on dit le verbe que je cherchais avec une voiture. Comment on dit en français quand on frappe quelqu'un et il tombe et on l'emmène à l'hôpital. Comment on dit le verbe? Oum Hudaïfa 1, écrit numéro 1, si tu es là. Renversé, blessé, chauffe. Il y a un autre verbe. On dit, je peux frapper quelqu'un avec ma voiture sans le renverser. Si juste je le touche avec ma voiture, sans le renverser, sans le blesser, bon, ça ne fait rien, c'est pas grave. L'essentiel, vous avez compris, inshallah ta'ala. Tafadzal Abu Marwan. Tafadzal Abu Marwan. Tu avais le rouge, tu l'as enlevé. Naam, peut-être on dit heurter. On heurte quelqu'un avec une voiture. Naam. Abu Marwan, tafadzal, hayakallah. Bismillah, salam alaykoum. Heurter, naam, heurter. Cheikh, le mot heurter en français, il veut dire deux choses. Heurter avec la voiture, il a renversé quelqu'un. Et on va dire heurter la sensibilité de quelqu'un, ça veut dire un enfant, on va pas lui montrer un film d'horreur pour pas qu'il ait peur. Les deux mots, c'est heurter, mais ils veulent pas dire pareil. Khair, inshallah. La question, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quelles sont les conditions pour qu'un mariage religieux sans papier soit accepté? On m'a dit que si l'un du couple ne prie pas, cela annule ce halal et qu'il tombe dans la zina. Quelles sont les conditions exactes? Hayakallah ya Cheikh. Salam alaikum. Bismillah, je répète. Vous m'entendez, Inch'Allah, je répète. Je répète la question, Inch'Allah. Donc, quelles sont les conditions pour qu'un mariage religieux, sans mariage à la mairie, soit accepté? Ça, c'est la première question. Après, on m'a dit que si l'une personne dans un couple ne prie pas, cela annule le mariage. Et que s'ils restent ensemble dans cette situation, ils sont dans le zina. Quelles sont les conditions exactes? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc je vais me voir obligé de me répéter, peut-être pour la 10e, 15e, 20e fois. Car je vois que, ou bien, vous n'arrivez pas à comprendre la règle qui est très facile, pas de problème. Ou bien, il y a des nouveaux qui sont dans la salle, c'est pour ça qu'ils ne savent pas que j'ai parlé de cette chose plusieurs fois. Je répète, inshallah ta'ala, la règle générale. Lorsque on va faire le mariage, on va faire le contrat du halal, naam, si la prétendante est de l'avis de la plupart des ulamas qui disent s'il ne fait pas la prière, il est kafir, alors le mariage est nul. Et elle ne peut pas se marier avec lui, et si elle se marie avec lui, c'est la zina. Si maintenant la prétendante a lu les livres, naam, et de l'avis des quatre grands ulamas, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik et l'imam Ahmed dans la deuxième version. Et Sheikh Al-Albani, il dit qu'il n'est pas kafir, il est toujours musulman. Dans ce cas, elle se marie avec lui, son mariage est valable. Allah Ta'ala te punit ou te récompense d'après les efforts que tu as faits et où est-ce que tu es arrivé. Où est-ce que tu es arrivé? Tu es arrivé, il est kafir, il est musulman. Où es-tu arrivé? Tu es arrivé, il est kafir, il est impossible que tu te maries avec lui. C'est de la zina. Naam. Tu es arrivé, tu as pris de l'avis des quatre grands rites et de Cheikh Al-Albani. Tu as dit non, il est toujours musulman, car il fait le ramadan, il fait ceci, il fait cela, et la salat, il y a une différence, il y a une divergence des ulama. Dans ce cas, il est musulman, si tu te, il t'est permis de te marier avec lui. Mais le fait qu'il soit permis de se marier avec lui, ce n'est pas conseillé. Vous connaissez la fatwa de Cheikh Al-Albani qui dit que il n'est pas permis à une femme de vivre avec quelqu'un qui ne fait pas la prière. Al-Albani, Allah yarhamou, qui dit qu'il n'est pas kafir, il dit qu'il n'est pas permis qu'elle vive avec lui. Car il fait l'un des plus grands péchés. Ne pas faire la salat est l'un des plus grands péchés qu'il y a en islam. Naam, il n'est pas permis qu'elle vive avec lui. Comment se fait-il que, déjà, elle accepte de se marier avec lui? Dans l'ex que j'ai cité, dans l'exemple, c'est la femme qui ne prie pas. C'est la même chose. C'est la femme qui ne prie pas, c'est la même chose. S'il se marie avec elle, on va voir qu'est-ce qu'il atteste dans son cœur. Ensuite, Naam, pourquoi il laisse une femme qui fait la prière et il va vers une femme qui ne fait pas la prière? Il va vivre avec elle dans le doute. Beaucoup de ulama, la plupart ont dit, c'est une kafira. Pourquoi alors, Naam, il va vivre avec elle et il laisse la pieuse qui fait la prière en son heure, la voilée, ceci, cela. Naam, celle qui ne fait pas la prière, comment veux-tu que, yani, elle t'obéisse? Quand tu vas lui dire, fais cette chose ou ne fais pas cette chose, c'est haram. Allah Ta'ala lui a pas obéi dans la chose la plus importante qui est la prière, et toi, une créature, elle va t'obéir dans quelque chose, dans d'autres choses. Ce n'est pas possible. Naam. Allah Ta'ala a'lam. Hudayfa tafadlali. Soumiyat Paris, écrit numéro 1, si tu es là. Taïb, je crois que Oum Hudayfa et Soumiya ne sont pas là. Naam. Taïb, Oum Hudayfa, écrit numéro 1. Oum Hudayfa, où est ta question, Inch'Allah, tafadlali, on t'attend. Soumiyat Paris n'est pas là. Abu Maryam, écrit numéro 1, si tu es là. Bismillah. Oum Hudayfa, Inch'Allah, écrivez votre question. Barakallahu fik. Inch'Allah, les autres, préparez votre question. Soumia de Paris, préparez votre question. Abu Maryam 22, préparez votre question, Inch'Allah. Écrivez-la dans un fichier, Inch'Allah. Naam, je suis là. Donc, je vais commencer à lire le début de la question, Cheikh. Une sœur s'est convertie à l'islam, elle s'est mariée avec un musulman. Ils ont eu 3 enfants. Le frère s'est remarié avec une deuxième femme. Et il n'assume plus la première. Peut-elle divorcer sans qu'il lui dise, sachant que civilement ils le sont? Vous m'entendez, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a du son? D'accord, ben j'attends la fin de la question. Hudayfa, Inch'Allah, avant de... Subhanallah, les questions elles sont mal écrites. El Mouhim. Hudayfa, est-ce qu'ils sont mariés à la mairie ou pas? Quand vous dites, sachant que civilement ils le sont, est-elle divorcée religieusement? C'est pas grave. Ils sont plus mariés civilement. Dans les papiers, ils ont divorcé. D'accord, donc maintenant je vais relire la question. Et avant de relire la question, encore une chose. Il y a un moment, vous avez écrit, il n'assume plus la première. Peut-elle divorcer sans qu'il lui dise? Ça veut dire quoi, sans qu'il lui dise? Vous parlez de la sœur là ou vous parlez du frère? C'est qui ne dit pas à l'autre? C'est le frère qui dit pas à la sœur ou la sœur qui dit pas au frère? De la sœur, naam. Eh ben, je vais relire la question, Inch'Allah, maintenant. Bismillah, salamu alaykum, cher. C'est une sœur convertie qui s'est mariée avec un musulman. Ils ont eu 3 enfants. Le frère s'est remarié avec une deuxième femme. Et depuis, il n'assume plus financièrement sa première femme. La question est la suivante. Est-ce que la première femme peut divorcer sans le dire à son mari, sachant qu'ils ont déjà fait les papiers pour divorcer à la mairie et qu'ils ne sont plus mariés à la mairie. C'est le contraire. Ils sont toujours mariés à la mairie? Non, ils sont divorcés à la mairie. Naam. Cheikh, je repose une dernière fois la question. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, c'est un frère qui s'est marié avec une convertie. Ils ont eu 3 enfants. Par la suite, le frère, il a pris une deuxième femme. Depuis qu'il a pris la deuxième femme, il n'assume plus financièrement la première. Ils ont fait les papiers, ils ont divorcé à la mairie. Ce n'est plus sa femme dans les papiers, dans le livret de famille, c'est fini, ils sont divorcés. Mais il ne l'a pas talaq, il ne lui a pas fait le divorce religieux. Et la question, c'est est-ce que la sœur, eh ben, elle peut se considérer comme divorcée, ou est-ce qu'elle est déjà divorcée, ou est-ce qu'elle peut aller se remarier avec un autre frère sans rien dire. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Le temps qu'on a perdu, il en est déjà suffisant. Taïeb, malgré tout cela, je dois poser encore la question à me poser. Car le talaq, on ne joue pas avec. Ce n'est pas, yani on comprend à peu près, on dit khlas, tu es talaq. Naam, c'est une famille, c'est une vie qu'on va annuler. El Mouhim, on poser, il fait écrit numéro 1, si tu es là. Est-ce que, regarde, écoute bien, est-ce que cet homme et cette femme ont divorcé, Naam, civilement, et il n'a pas dit le talaq, c'est tout. Il n'a pas dit tu es talaq, mais civilement, ils ont divorcé. Et, saha. Deuxième question et la dernière. Deuxième et dernière question. Est-ce que on l'a forcé à divorcer, ou là il a accepté à aller signer les papiers? Est-ce qu'on l'a fait venir de force, les policiers, etc., pour aller signer? Il a peur, ou bien il est allé, Naam, lui-même signer les papiers? J'attends la réponse. Alhamdulillah. Naam, la règle dit, Al-kitab, kel khitab. Quand quelqu'un écrit quelque chose, c'est comme s'il avait parlé. Il n'y a aucune différence. Quand j'écris à une femme, à ma femme, je lui envoie une lettre, je lui dis, chère femme, comment vas-tu? Les enfants vont bien. Je t'annonce la mauvaise nouvelle tout en écrivant que aujourd'hui je t'ai divorcé. C'est comme si j'avais parlé. C'est la même chose. Et le muet, quand il fait avec les gestes aussi comme ça, à sa femme, si elle le comprend avec les gestes, eux ils se comprennent. Tu es divorcé, ça veut dire qu'elle est divorcée. Il n'est pas obligé de parler. Cet homme qui est allé à la mairie pour signer des papiers, Naam, il a signé des papiers comme quoi j'ai divorcé. Donc cette femme est divorcée et elle commence à compter sa période de viduité à partir du jour où ils sont allés à la mairie. Tfadla, Inch'Allah, la prochaine personne. La fiche mouchkil, Soumiat Paris. Écrit numéro 1 si tu es là. Abou Mariam, écrit numéro 1 si tu es là. Les deux, vous n'avez pas de point rouge. Tafadla, Abou Marwan. Abou Mariam, 22, Inch'Allah. Puisque vous avez répondu, Inch'Allah, mettez votre question. Barakallahu fik. Écrivez votre question, Inch'Allah. Un frère demande si. Ça sera la question, Inch'Allah. Un frère demande, salam alaykoum cher, un frère demande si l'on peut donner des conditions pour le mariage ou seulement la femme. Est-ce que c'est seulement l'homme qui donne les conditions ou seulement la femme ou les deux? Salam alaykoum. Abou Marwan, fils. Naam, alhamdoulillah. Les deux peuvent mettre des conditions. La femme dit, par exemple, comme condition, je ne sortirai pas de Paris. J'aime comme condition que je me marie à Paris. Je ne quitte pas cette ville. Je ne quitte pas la France. Par exemple, Naam, lui, il met comme condition, par exemple, que tu ne sois pas contre la deuxième. Si je me marie la deuxième, tu ne dis pas pourquoi. Ou bien c'est le contraire. Elle qui dit, je mets comme condition que tu ne te maries pas la deuxième. Et comme ça. Les deux peuvent mettre des conditions. C'est pour cela que apprenez que quiconque a mis une condition à l'autre, si l'autre ne respecte pas la condition, alors l'autre peut annuler son mariage facilement. Naam, très très facilement. Et le prochain dars, inshallah, c'est comment l'annuler. Naam. Donc c'est grave. Si quelqu'un met la condition et l'autre accepte, c'est grave. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut, si on peut, on le fait désister de sa décision. Par exemple, une femme qui a fait comme condition qu'il ne se remarie pas avec la deuxième, ensuite après s'être mariée avec cet homme, il peut essayer de la convaincre. Comme j'ai dit tout à l'heure, même en lui donnant de l'argent ou en lui achetant des cadeaux, etc. Si elle se convainc et accepte, elle dit « Khlas, je me désiste », il peut se marier. Mais si jamais elle n'accepte pas et il se marie, elle a le choix entre deux choses. Continuer le mariage avec lui ou bien annuler le divorce. Annuler son mariage. Donc attention, c'est très grave les conditions. C'est pour cela que quiconque sait par exemple qu'il veut la polygamie et il sait que en France, la sœur peut-être spécialement en France n'accepte pas facilement, entre parenthèses, elle n'accepte, il n'y a pas un pays où elle accepte, entre parenthèses. Mais, je le dis comme ça, alors il vaut mieux qu'il mette cette condition au début. Il dit attention, moi je me marie avec la condition que je me marie avec une deuxième ou troisième. Attention, je dis maintenant, ne dites pas après pourquoi et c'est les problèmes. Et le contraire est vrai. Elle est très jalouse qu'elle mette ça directement d'emblée. J'accepte pas, je cherche quelqu'un qui ne se remarie pas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Abu Maryam, quand j'arrête dans 20 minutes, naam, on va dans un salon privé à condition que ça ne dépasse pas 5 minutes. À condition que ça ne dépasse pas 5 minutes, inshallah ta'ala. Naam. Tayyib, Soumia de Paris. Où est-ce qu'elle est, Soumia de Paris? Elle n'écrit pas. Écrit numéro 1, Soumia de Paris. Abu Maryam, 1, tafadhal. Soumia de Paris n'est pas là. On l'a fait donc descendre de la liste. Je rappelle, il est là. Qui est là? Coran et Sunna, qui est là? Tu parles de qui? Tu dis qui est là? Alhamdulillah, naam. Abou Madim, tu es là, naam. Je rappelle, parce qu'il reste seulement un quart d'heure, je rappelle que, inshallah ta'ala, le dars d'après-demain, naam, de lundi, comme vous le savez tous, c'est sur la personnalité de la musulmane. Naam. Comment la musulmane forge sa personnalité, naam, pour qu'elle soit comme étaient les compagnons, naam, et les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes, inshallah ta'ala, au cinquième dars, et nous sommes dans le chapitre comment la musulmane, naam, soutient la cause d'Allah. Et on avait parlé comment, naam, les compagnons et les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien qu'elles ont fait la guerre sainte, et combien de batailles elles sont sorties, et comment qu'elles soignaient les blessés, et comment qu'elles leur donnaient à boire, et combien qu'elles ont souffert pour que l'islam se répande, et pour que nous, hein, nous rentrions dans ce dîn. Si elles n'avaient pas souffert ce qu'elles ont souffert, jamais l'islam ne serait arrivé jusqu'à nous, hein, comme ça, et on rentre facilement en islam. Jazahunallahu khayran an al-islam. Tayyib, tafadhal le cheikh. Salam alaykoum, vous m'entendez, inshallah? Donc la question de Abu Maryam 1, je la lis en privé, hein. C'est, salam alaykoum, une sœur a demandé à son mari, avant qu'elle ne se marie et qu'elle soit dans le djinn, une parure en diamant. Maintenant, ça fait 7 ans qu'ils sont mariés. Mais la sœur n'a rien eu. Abu Maryam, je crois que la question elle est posée, Inch'Allah, le cheikh il a deviné. Qu'en est-il de cette situation, c'est ça? Le frère a les moyens, mashallah. Ok, ben la question, inshallah, elle est finie. Donc, cher, je répète la question. Une sœur a demandé à son mari, avant qu'elle ne se marie et qu'elle soit dans le dîn, une parure en diamant. Et maintenant, ça fait 7 ans qu'ils sont mariés, mais la sœur n'a rien eu. Et le frère, mashallah, il a les moyens. Est-il dans le haram? Salam alaikum. Papa Joli, envoyez-moi votre question en privé. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Cette personne qui a demandé la parure en diamant, bien sûr, elle est libre. Elle demande une parure ou 10 ou 20. Naam, cela revient à elle, c'est son droit. Naam. Mais, a-t-elle demandé cette parure comme cadeau ou bien comme dot? Elle a demandé cette parure comme cadeau, hein? Si tu m'aimes beaucoup, achète-moi cette parure. Ou bien elle a demandé comme dot. Il y a une grande différence entre les deux. Si elle a demandé comme cadeau, c'est pas la peine d'en parler. Si elle a demandé comme dot, elle lui disait c'est ça ma dot. Dans ce cas, un homme peut se marier avec une femme sans lui donner la dot, ni sans même désigner la dot. Mais il a quoi? Il a des dettes sur son dos. Cette personne, cet homme, surtout qu'il a les moyens, tant qu'il ne lui a pas donné cette parure, il est dans le haram. Quel haram? C'est pas la zina. Non, c'est sa femme et elle est halal. Il fait avec elle ce qu'il veut, c'est sa femme. Non, il est dans les péchés parce qu'il est endetté, il ne veut pas payer ses dettes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Matalul ghani zulm » a dit, « Quiconque a des dettes et ghani, il est riche et il traîne, il a des zulm, c'est un injuste. » Dans un autre hadith, il a dit, « Yu'arridu naam, irdahu wa uqubatahu » Naam, c'est un hadith sahih aussi dans ce sens. Il a dit, il mérite quoi? Une punition et les gens vont parler de lui. Et quiconque meurt avec des dettes, vous savez que c'est très grave pour lui. Naam, surtout si, comme d'après ce que je vois moi, je vois que cette personne ne veut pas payer les dettes. Car elle est riche et sa femme, c'est la personne la plus proche de lui. Et c'est un droit. Subhanallah, une condition de mariage et il n'a pas tenu ses promesses. Naam, et il n'a pas tenu ses promesses. C'est pour ça que j'ai dit et je redis, une femme, quand elle se marie et que les deux désignent la dot, c'est-à-dire elle désigne la dot et lui, il accepte, elle a le droit de ne pas se donner à lui jusqu'à ce qu'il donne la dot. Car la dot, Allah Ta'ala l'a écrite spécialement contre ce qu'elle lui donne de plaisir. Alors, tant que je n'ai pas la dot dans ma main, j'ai le droit de me refuser à mon mari. Naam. Donc c'est elle qui est, je ne sais pas comment je vais dire, qui a accepté, comme ça, de n'avoir pas la dot dans la main et de se donner à son mari. Donc la faute aussi vient d'elle. Mais ça ne veut pas dire que la dot a été annulée. La dot est toujours une dette sur ses épaules. S'il ne la paye pas, c'est grave demain quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf bien sûr, si elle veut dès maintenant se rétracter de sa dot. Elle peut lui dire, je t'ai demandé une parure en diamant, c'est mon droit, tu dois me l'amener. Si tu ne l'amènes pas, je ne te pardonne pas demain devant Allah. Mais si elle veut, elle lui dit, je change d'avis. Amène-moi une broche d'or, ou bien une bague d'or, ou bien donne-moi 1000 euros. Et comme ça, elle est libre. Ou bien donne-moi 10 euros, elle est libre. C'est à elle de voir ce qu'elle veut, de voir ce qu'elle veut. Wallahu ta'ala a'lam. Fadal Papa Jouli. Hayakallah Papa Jouli. Adam d'Argenteuil. Écrit numéro 1, tu es là. Bismillah, salam alaikum. La question de Papa Joli, Inch'Allah, je vais la lire. Vous m'entendez? Cheikh, vous m'entendez? Je vais vous lire la question de Papa Joli. Écrivez un, voilà, mashallah. Donc, salam alaykoum ya cheikh. Une sœur voudrait se marier avec un frère qui suit la sunna. Mais sa mère veut que cette sœur se marie avec un homme du même village qu'elle. Afin de faire un mariage dans les coutumes. La sœur a peur de dire non à sa mère, car la mère a investi tout son argent pour ce mariage. Et elle a même construit une maison. Et elle peut même tomber gravement malade à cause de cela. Que doit-elle faire dans cette situation? La sœur a 20 ans et la mère cherche actuellement un prétendant qui va plaire à sa fille. Dans ce village. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La faute, une faute que font beaucoup de frères et de sœurs, et qui sont assez jeunes et n'ont pas assez d'expérience, font une faute que je vais vous montrer maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? La fille ne parle jamais de mariage, et le garçon aussi, l'enfant, ne parle jamais de mariage devant sa mère au moins, car sa mère transmettre à son père. Le garçon, il a honte de parler devant son père. Mais il ne parle jamais devant sa mère, ni la sœur ne parle jamais devant sa mère de ce qu'elle veut, ni des conditions, ni de, attention, je ne mets le jour de mon mariage, j'aime pas par exemple la mixité, j'aime pas la musique, j'aime pas cette chose. Naam, si je me marie avec un barbu, j'aime pas quelqu'un qui n'a pas ceci, cela. Elles ne disent jamais cela. Ensuite, la dernière semaine, quand tout est prêt, ils commencent à faire pousser des cornes. Ah, moi, je n'aime pas ceci, c'est haram, c'est ceci. Maintenant, c'est trop tard. La dernière semaine, tu n'as rien à dire. Tu es resté des années avec ta mère, tu n'as pas dit un mot. Des années. Normalement, la sœur, à chaque fois qu'elle s'assoit avec sa mère dans la cuisine, elle lui dit, viens, on va éplucher les petits pois. Elle s'assoit avec elle et elle commence à éplucher les patates et elle parle. Moi, ma mère, je voudrais bien, si je me marie, je fais ceci, cela, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Et la mère, elle écoute, une fois elle dit non, une fois elle lui dit tais-toi, une fois elle s'énerve, une fois ceci, cela. Et elle ne parlait pas. La maman ne veut pas faire de la sunna. Mais allez, nous on parle de en général, je suis en train de parler de en général. Maintenant, on revient à ce qu'a dit ici Papa Jolie. La sœur et entre maintenant entre deux feux. Naam, ravir sa mère et elle va vivre, elle, avec quelqu'un qu'elle ne veut pas. Ou bien, naam, choisir celui que Allah Ta'ala veut et sa mère va yani, être en colère et s'énerver, je ne sais pas quoi. Naam, moi je préfère toujours, naam, choisir celui que Allah Ta'ala aime. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, yani, si on choisissait, ou là, à peu près en ce sens, que si on cherche à ravir les gens au détriment du ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah ta'ala va être en colère contre toi et les gens ne seront jamais ravis contre toi. Et vice-versa, le hadith est sahih. Elle peut avoir une crise cardiaque. Naam. Puisqu'elle peut avoir une crise cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? Naam. Alors, qu'elle essaye seulement de lui parler gentiment, de la convaincre, essayer de la convaincre. Elle fait beaucoup de doigts. Tous les cœurs de toutes les créatures, de toutes les personnes sont entre deux doigts d'Allah Azza wa Jal. Elle fait beaucoup de doigts. Peut-être que Allah Ta'ala va lui changer d'avis et qu'elle acceptera un autre homme. Naam, elle essaye aussi, à chaque fois que sa mère lui montre quelqu'un, elle s'oppose avec sagesse. Elle dit non, celui-là, il ne me plaît pas, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Naam. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui fasse une solution. Naam. Si maintenant elle se marie et elle voit qu'elle est obligée de se marier pour ne pas faire tomber sa mère dans une crise cardiaque, alors qu'elle choisisse le moins mauvais, alors qu'elle choisisse quelqu'un, naam, si on veut la marier du même village, alors qu'elle choisisse quelqu'un yani, qui remplisse plus ou moins les conditions. Wallahu Ta'ala alam. Naam. Mais pas quelqu'un qui fasse les grands péchés. تفضل إن شاء الله للبروشان Assalamu alaikum. J'ai la question, Minhaj al-Haq. J'ai la question de Omar Gentil, Inch'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum, ya Cheikh. Une sœur demande, lorsque le mari est venu la demander en mariage, cette sœur, il a accepté tout ce qu'elle voulait, comme par exemple passer son permis de conduire, mais sans lui dire explicitement que ceci est une condition. La sœur, elle a dit, j'aimerais faire telle chose. Elle n'a pas dit que c'est une condition, mais le frère, il a accepté. À l'époque, ils étaient donc d'accord pour qu'elle fasse toutes ces choses. Mais maintenant qu'ils sont mariés depuis quelques années, ils n'acceptent plus du tout ce qu'il n'a pas considéré comme explicitement être des conditions. Est-ce que cette parole est considérée comme une condition? Ensuite, j'ai demandé des précisions à la sœur. Elle a dit que ces choses-là, elles ont été citées lors des rencontres, mais elles n'ont pas été citées dans le contrat du mariage. Akallahu fik. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Il y a deux choses à dire ici. Deux choses. La première, c'est que les choses qui sont citées avant le contrat de mariage, si elles sont citées comme conditions, rentrent dans les conditions du mariage. Vous avez assisté tout à l'heure au dars. Qu'ai-je dit au début? J'ai dit que toute condition qui se met ou qui se fait avant le contrat ou bien dans le contrat, c'est une condition acceptée. La condition qui n'est pas acceptée, c'est seulement la condition qui se met après le contrat de mariage. Mais si une année avant le contrat de mariage, mon père a dit au prétendant, j'ai comme condition que ma fille, Naam, habite chez moi, ici. Et l'autre a dit, d'accord, je vois pas de problème. Même si après, ils vont pas énoncer ça dans le contrat de mariage, ça reste toujours une condition. Je l'ai dit tout à l'heure. Naam. Donc, première question, tout ce qui a été dit, même avant le contrat de mariage, je dis à cette sœur, si ça a été une condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça rentre dans les conditions. Ça y est, quand elle a dit je veux faire ça, et le mari a dit je suis d'accord, tu pourras faire ça, etc. Nan, est-ce que, ça je ne sais pas, elle, est-ce qu'elle parlait en tant que, elle voulait dire ça c'est une condition, ou elle voulait dire ça, c'était un vœu, c'est tout. J'ai le souhait de passer le permis, j'ai le souhait d'aller me promener, je ne sais pas où. Non, est-ce qu'elle a dit dans son cœur, c'était un souhait, ou est-ce qu'elle a dit ça, ça veut dire, si tu ne passes pas le permis, je ne t'accepte pas. Si tu ne fais pas ceci et cela, je n'accepte pas. C'est pour cela que ce n'est pas moi, Naam, qui peut répondre à cette question. Mais c'est toi, ma sœur, qui sais. Naam. C'est toi, ma sœur, qui sais. Est-ce que tu parlais en émettant des vœux ou tu parlais en le menaçant comme quoi c'était des conditions? Naam. C'est toi qui sais et c'est lui qui sait. Qu'est-ce qu'il a compris de toi? Est-ce qu'il a compris que tu voulais des vœux, que tu cherchais à ce qu'il te les exauce, ou bien, yani, tu parlais comme condition? Donc, ceci, vous, mes frères et mes sœurs qui m'entendez, ce que dit la sœur ici, qui est équivoque, ça a deux sens, ou bien c'est une condition, ou bien c'est un vœu, c'est un dars pour vous. C'est un dars pour vous qui allez vous marier pour ne pas être ambigu, pour dire clairement comme ça. Attention, c'est une condition, c'est pas un vœu. Je te dis comme condition, ceci et cela. Naam. Lui dit que ce ne sont pas des conditions et donc ne respecte pas. C'est ça. Parce que pour lui, on ne peut pas lui dire « tu mens ». Il peut dire « je jure par Allah que je n'avais pas compris c'était des conditions. Je croyais que seulement c'était un vœu et que… » Naam. Mais il y a une chose, Adam d'Argenteuil, il y a une chose. Mais elle s'est mariée avec lui. Naam, c'est une chose. Elle peut lui dire maintenant, mais le croyant tient à ses promesses. tu m'avais promis que je passe le permis. Tu m'avais promis cela. Pourquoi tu ne tiens pas aux promesses? Ne pas tenir aux promesses est un des signes de quoi? Est un des signes des hypocrites. Pourquoi tu ne tiens pas à tes promesses? Moi, si je savais, je me serais pas marié. Car je croyais que tu allais accepter ces choses. Naam, elle peut lui faire des remords jusqu'à ce que, inshallah ta'ala, il lui accepte. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib, où est la question de Soumia de Paris? Naam, où est la question de Soumia de Paris? Tafadhal Abu Marwan. Et Soumia de Paris, merci. Je te dis merci, car on te cherche depuis presque 20 minutes. Où est Soumia de Paris? Où est Soumia de Paris? On a même dit qu'elle est peut-être sortie de Paris. Tafadhal. Bismillah, salam alaykoum wa rahmatullah. Donc la question de Soumia de Paris, qui n'est pas sortie de Paris, inshallah. Voilà, je me suis marié avec un frère qui n'a pas le même minhaj que moi. Que dois-je faire s'il n'accepte pas? En fait, j'ai appris le bon minhaj une fois plus tard lorsque j'étais déjà marié. Et bien sûr, elle parle du minhaj salafi, inshallah. Salam alaykoum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, tu dois d'abord remercier Allah Azza wa Jal de t'avoir guidé au vrai minhaj. Car beaucoup vivent leur vie sans connaître la vérité. Ou alors en croyant l'avoir connu et l'avoir su, alors qu'ils sont dans l'aveuglement total. Non. Donc, n'oublie pas, comme a dit Allah Ta'ala, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme ni'ma, c'est de moi. Et ça, c'est une grande ni'ma qui t'a fait connaître le minhaj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bukhari, وَاللَّهِ لَوْلَى اللَّهِ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا. Il a juré par Allah que si ce n'était pas Allah, il n'avait ni être guidé, ni il aurait été guidé, ni il fait la prière, ni il fait la zakat. C'est toujours Allah Ta'ala qui t'aide et qui nous aide. Car si Allah Ta'ala s'éloignait une seconde de nous, naam, et éloignait son aide et son assistance et son soutien de nous, on irait directement dans l'égarement et dans le coffre. Deuxièmement, maintenant que toi, Allah Ta'ala t'a guidé, fais aussi des doigts et demande-lui qu'il guide ton conjoint. Car pourquoi maintenant, l'âme, comme moi j'aime le bien à moi, pourquoi je ne l'aime pas à mon conjoint? Donc je commence la première étape à faire beaucoup de doigts à Allah Ta'ala, d'aider mon conjoint comme il m'a aidé moi. Ensuite, je passe à l'étape 2, je commence à lui faire des rappels et à lui montrer les fautes graves qu'il est en train de faire. Ensuite, je n'oublierai pas de signaler ici une chose très importante. Celui qui n'est pas dans ton minhaj, les minhaj qui ne sont pas vrais, naam, même s'ils sont tous dans l'égarement, mais il y a égarement plus grand qu'égarement. Naam. Il y a l'égarement, par exemple, des rawafid, des chiites, qui est vraiment, vraiment grave. Il y a l'égarement des ahbèches. Beaucoup en France, des habèches, beaucoup, beaucoup. Naam. À Marseille, des sœurs m'ont dit, ils ont un centre où ils viennent écouter des doros, des caméras, des je ne sais pas quoi. Ils ont tout. J'ai dit à la sœur, subhanallah al-azim. Pourquoi eux, ils ont le centre? Pourquoi vous et nous tous, pourquoi on ne peut pas cotiser et bâtir un centre ou louer un centre nous aussi, à Paris, à Marseille, partout, un centre, naam, où il y aura des doros, la sunna, pourquoi nous on ne peut pas? Pourquoi eux, ils sont dans le faux et ils, subhanallah al-azim, et ils concordent et ils s'unissent main dans la main pour faire triompher la bid'a. Pourquoi eux, ils peuvent, fissabillah, et nous, on est dans le vrai, on ne peut pas. Pourquoi? Vous êtes posé cette question? Naam. Ensuite, il y a l'égarement des takfir, takfiriyin, Allahu Akbar. Égarement, naam. Et leur grand nid se trouve en Belgique, comme vous savez. Naam, je ne connais pas un jeune qui rentre en Belgique en islam sans qu'il passe par le takfir. Il y a le tablir, beaucoup, beaucoup en France, le tablir, naam, les frères musulmans, naam, et j'en passe. Donc, t'es un ikhwan muslimin, naam, le mari est un ikhwan muslimin. Maintenant, je comprends. Naam, en principe, quand il est ikhwan muslimin, il est beaucoup plus facile à ce qu'il revienne, à ce qu'il vienne vers le minhaj salafi. Il est beaucoup plus facile qu'un rafidi, qu'un takfiri, qu'un tabliri. Le frère musulman a assez d'intelligence. Naam, il réfléchit. Naam, le frère musulman est connu par cela, que c'est quelqu'un qui veut se montrer, instruit, qui veut se montrer galant, quelqu'un qui veut se montrer respectueux, respectable, et comme ça. C'est pour ça que il faut lui faire la da'wa. Naam, lui faire la da'wa. Toi, mon mari, tu es masha'Allah. Il te manque seulement que tu appliques un peu plus la sunna et que tu t'éloignes un peu de l'Qaradawi, de l'Ghazali, de cela. Tu t'éloignes un peu d'eux. Tu lis, inshallah ta'ala, un peu les livres de Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, Cheikh Fawzan. Naam. Et comme ça, écoute, il est plus facile et plus aller dans le minhaj. Donc, commence, inshallah, par cette chose soumise de Paris. Ensuite, si ça ne marche pas, si ça marche pas, inshallah ta'ala, tu me contactes, inshallah ta'ala, pour te dire ce qu'on doit faire. Car sûrement qu'il y a autre chose. Azza wa Maryam, Abu Maryam, contacte, inshallah ta'ala, Coran et Sunna, pour que je te parle 5 minutes, car il est 1h du matin, 1h10. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 2 jours, avec la personnalité de la musulmane. Merci d'avoir assisté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, nous montre et raffermisse nos cœurs et agrandisse notre foi et nous fasse détester le kofr, la mécréance, la perversité et la bid'a. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.